Et bien sûr que c'est ici, ici où tout commence sur Indestar, 20h. L'heure de passer à l'émission du vendredi soir. Attention, attention, tout corps vivant branché sur le secteur est appelé à s'émouvoir et à participer. 09 70 407 306 pour réagir avec l'équipe. Les spéciales du vendredi soir, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. On est ensemble, alors on n'a pas l'heure exacte à laquelle ça finira. Par contre, on peut vous dire que ça commence dès 20h, dès maintenant. Bienvenue tout le monde et merci d'avoir choisi Indestar.fr, toutes les applis d'écoute en ligne. Nous avoir choisi ce soir, d'avoir choisi Patrick par exemple. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Comment vas-tu ? Eh ben ça va, je me sens bien avec vous, c'est pour ça que je reviens la troisième fois. C'est vrai, c'est merci vrai, pour tu commences à être un habitué voilà. Patrick, et on te remercie pour ça. Bah moi aussi. Lisa, ça fait un moment qu'on t'a pas eu toi. Hein. Eh oui, salut tout le monde. Ça bah oui, je travaillais. Je travaillais, genre moi je bosse quoi. Voilà, moi je bosse au moins, il y en a une qui bosse ici. Bah oui, il faut bien faire travailler toute l'équipe, hein. Voilà. Faut, tu ramènes la nourriture, elle est où la nourriture d'ailleurs. C'est ça, bah la prochaine fois la prochaine fois, ouais, t'as pas le... t'as travaillé mais t'as pas encore le salaire. C'est ça, c'est un nouveau concept ça. Mais je suis très contente d'être parmi vous ce soir en et tout ben cas. merci d'être là et nous avons Jean aussi, salut Jean. Bonsoir tout le monde. Bah, Jean, c'est la deuxième fois. Exactement. Deuxième fois au monde que tu fais de la radio. Exactement. Bah, on continue. On a ce privilège. Hein. Il a commencé, il a fait son dépucelage radiophonique. C'est ça. Sur Indestar. On persévère, on continue sur. Mais t'as raison. Alors pour l'instant, on est une petite équipe réduite, comme vous pouvez le constater. Ouais, par contre, mais c'est les meilleurs. Par contre, sachez qu'il va y avoir des surprises dans cette émission parce que les gens vont arriver au fur et à mesure. Enfin, normalement, on les a invités en d'accord, tout cas. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Et on espère que vous allez arriver au fur et à mesure aussi, que vous êtes très très nombreux aussi de l'autre côté de la radio, de l'autre côté du poste, comme on disait à l'époque. Bon, peut-être que c'est en podcast que vous écoutez cette émission. Mais en tous les cas, faites-vous plaisir à l'heure que vous voulez. Ça, c'est le concept. Alors, justement, le concept de ce soir, Lisa, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Bien, apparemment, tu m'as dit que c'était une émission débat, mais je ne sais pas quels sont les sujets. Alors, moi non plus. Ah d'accord, c'est surprise. Ça qui est bien. C'est une émission de libre antenne. Alors, à l'époque, quand j'étais petit, on parlait on était en pleine séance de nostalgie hors antenne il y a quelques minutes, hein, avec les Walkman et compagnie. Et du coup, quand j'étais jeune, à l'époque, il y avait pas mal de libre antenne sur les radios. Doc et Difool, oui. Max, moi j'étais un fervent défenseur du Star System avec Max et sa radio libre. Et donc il y avait des auditeurs qui appelaient et voilà, ça partait sur un sujet, un autre. Pas mal de canulars aussi, des choses comme ça. Je sais pas si vous avez écouté à l'époque, si ça vous parle, tout ce que je dis. Jean par exemple. Si, moi c'était beaucoup l'époque Skyrock quand même, avec ouais, Difool qui sont Difool. Encore là oui, depuis alors, toutes ces années. Difool c'est une sorte de momie. Ouais, c'est... mais c'est très bien, hein, je dis ça, c'est dans le très bon sens du terme. C'est-à-dire que le mec a commencé en 92 quand même. Hein. Et depuis, il n'a pas quitté le micro. Et je crois que, alors attends, 92 ça fait 33 ans. Non, je crois même que c'était avant, ça devait être genre 90 qu'il a commencé. Et 92 c'est le début de Doc et Difool, donc les premières radios libres. Et depuis 92, il fait de la radio libre quoi. C'est le Michel Drucker de la radio. C'est le Michel Drucker de la radio pour jeunes. Alors c'est vrai qu'à l'époque c'était le grand frère. Après c'était le papa, bientôt ça va être le papy. Il y a papy Difool à la radio. Mais bon, le mec, tiens, je grand respect pour Difool. Surtout qu'en plus le mec fait quand même le soir, mais le matin aussi. Il fait la matinale et la soirée. Tous les soirs, tous les matins quoi. C'est ouf, je... Respect à Difool. Bon. Je me trompe pas aussi, les premières radios comme ça, il me semble que c'est Jacques Lande qui nous avait mis ça en place. Alors, l'autorisation après de. C'est François Mitterrand. Oui. Alors, Jacques Lande, ministre de la Culture à l'époque, c'est lui qui a mis en place la fête de la musique par exemple aussi. Et c'est François Mitterrand qui a autorisé les radios libres. Alors, ce qu'on appelait radio libre à l'époque, en fait, c'est parce que dans les années, jusque dans en 81, en fait, il y avait plein de radios qui sont nées comme ça, mais qui émettaient mais qui n'avaient pas l'autorisation d'émettre, puisque à l'époque il n'y avait que les radios du gouvernement, donc on les connaît, hein, France Inter, France Culture et compagnie, qui existaient, plus les radios qui diffusaient en dehors de la France, Radio Télé Luxembourg, RTL, hein, Europe 1 aussi, qui était pas en France. Voilà, donc il y avait ces radios-là qui émettaient, mais en dehors de la France et qui couvraient un grand territoire. Et là sont arrivés, ouais, dans les années 70, plein de petites radios qui ont commencé à vanter la liberté d'expression. Alors très honnêtement, moi j'ai plein d'archives hein, de toutes ces radios là quand t'écoutes, c'est un beau bordel. Ça part dans tous les sens. On fasse une émission là-dessus. Ouais, on en avait fait une pour la journée de la radio il y a quelques années. Je me rappelle de ça, mais ça fait partie de la nostalgie, comme on parlait tout à l'heure. Oui. Et puis là, c'était vraiment, avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'il y avait un mec dans une cave qui arrivait, il plaçait l'antenne sur le toit. Ils avaient un bout de console, deux petits micros, et puis c'était parti, quoi. Mais ça n'avait pas de raison légale d'exister. Donc il y a eu des brouilleurs, il y a eu plein de choses. Et jusqu'en 81, où François Mitterrand arrive au pouvoir et autorise les radios libres, enfin ce qu'ils appelaient les radios libres. Sauf qu'il y a eu très rapidement un problème, c'est que ces radios se sont dit, bah oui, si on veut continuer d'exister, c'est bien de pouvoir émettre, mais il va falloir un petit peu d'argent. Parce que sinon on va pas émettre longtemps. Ce qui s'est rapidement passé, c'est que le gouvernement a dit, ouais, alors vous pouvez émettre, mais par contre vous n'avez pas le droit de faire de revenus publicitaires. Donc là, en 83, si j'ai bonne mémoire, je vous fais un récap, après on arrête avec ça, mais 83, grande manif énergie, je sais pas si ça te parle, Patrick, ça à l'époque. Un petit peu, c'est vrai. Il y avait une grande manif qui avait été vraiment suivie, énergie, qui était une des radios les plus qui commençait vraiment à être écoutée sur Paris et la banlieue. Et plein de monde dans la rue. Jusqu'au moment où le gouvernement a cédé, à se dire ok, vous pouvez devenir des radios commerciales et du coup vous faire financer par la publicité. Et c'est là que sont arrivés tous les réseaux qu'on connaît encore aujourd'hui, avec toutes les grandes radios que sont les radios que vous connaissez d'ailleurs. Voilà comment c'est complété la bande FM. Évidemment, il y avait des régulations hein, avec le CSA qui est maintenant l'ARCOM qui a géré un petit peu tout ça pour essayer que tout le monde puisse avoir des radios de différents styles musicaux tons, etc. quoi. Voilà. Sur ce, la radio libre aujourd'hui, c'est une version donc modernisée, mais finalement sur le même principe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a préparé des petits papiers avec des idées, d'ailleurs des idées qui peuvent continuer de venir au fur et à mesure de la soirée. On ne sait pas de quel sujet on va parler, et ça sera matière à débat, et bien sûr vous allez pouvoir réagir avec nous si vous voulez nous appeler. Ça se passe à un numéro qui est le 09 70 407 306. C'est gratuit bien sûr, à partir d'une box fibre ou autre. Bonsoir François qui vient d'arriver. Bonsoir. Comment vas-tu? Écoute, fort bien, ça va. Tu sais que ça fait 8 minutes 38 que je meuble en t'attendant. Ah, je suis désolé, je suis tellement... Mais non, ça va. Je suis tellement mal organisé comme type, en fait. Ça va. J'appuie partout, là, je fais n'importe quoi. Toi aussi, tu travailles. Ouais, mais comme tout le monde, donc voilà, quoi. Non, pas moi. Cet après-midi, c'était repos. Patrick, c'était repos. Okay. Moi, c'est chômage. Okay. Voilà. Donc, okay. Moi, c'était agence d'intérim. Voilà. Okay. Donc, non, il n'y a que toi qui bosse, en fait, finalement. Moi, c'était la sieste. Bon. Chacun son activité. Voilà, donc j'étais en train d'expliquer le principe de la libre antenne, et puis finalement, on est remonté jusque dans les années 70, tu vois. Ah, ok, voilà, d'accord. On a fait un petit bond arrière. J'ai déjà entendu cette histoire, je crois. Ouais, des radios libres, et puis la légalisation de la bande FM, tout ça. Bon, nous, cela dit, on est sur le web, et l'avantage des années 2020, c'est qu'en plus, vous pouvez écouter cette émission à n'importe quel moment, ce qui fait que si vous avez loupé là, les 8 premières minutes passionnantes, et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur toutes les plateformes. Qui a amené, par contre, le petit pot avec les sujets? Parce que ça, c'est le principe d'organisation. Je croyais que c'était toi. Eh ben non. Il est dans la pièce d'à côté. Ah, voilà, pardon, on est bien. Mais quand je vous dis que c'est de la libre antenne, c'est que voilà, c'est préparé aussi à l'arrache cette histoire. déjà, on a des sujets. On est dans le thème, On a des sujets, on sait pas de quoi on va parler, mais on a des sujets. Il y a Patrick qui nous ramène le petit bocal. Et tu sais quoi, Patrick, vu que t'as ramené, tu vas piocher un sujet, tu vas nous dire de quoi on va parler d'ici quelques minutes. Suspense. T'attends. Alors. Les jeux de société. Les jeux de société. Ah, et c'est dommage parce que je crois que c'est ma mère qui avait mis ça la dernière fois. Et elle sera bientôt là, mais peut-être louper le sujet des jeux de société. Bah tant pis pour elle. Voilà, elle avait qu'à être là à l'heure. C'est le principe de la radio. Donc on va parler des jeux de société dans un instant. Si on joue beaucoup aux jeux de société, quel jeu on aime, quel jeu on n'aime pas, ou c'est relou, on envoie tout valser. Notre rapport avec les jeux de société, ça sera d'ici quelques minutes. Avant ça, j'avais envie de vous faire découvrir ce son qui est sorti il y a moins de 12 heures C'est tout frais, c'est tout chaud. Gomar, vous la connaissez sur Indestar puisqu'on la passe régulièrement. Talent Indestar, bien sûr, qui était venu d'ailleurs en interview il y a quelques années de ça et qui depuis a fait juste la première partie de Coldplay à l'Olympia. Juste tranquille, voilà. Et là, elle nous sort un clip qui sera, je crois, dispo demain. Mais il y a déjà la version audio qui est sortie, donc on va en profiter. Son nouveau titre qui s'appelle Non. C'est-à-dire, c'est quoi l'âge du non? C'est genre 3-4 ans où tu dis non à tout ce qui se passe? Tu sais, chez l'enfant, il y a une période où tu dis non. Des 2 ans déjà. Des 2 ans, voilà. Bon, bah, elle a attendu un petit peu plus longtemps, puisqu'elle doit avoir, je sais pas quel âge elle a, Gomar, mais peut-être une trentaine d'années, quoi. Voilà, et donc, nouveau single, cette fois-ci, elle dit non, c'est Gomar sur Indestar, on en profite. Pardon, on n'en profite pas maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on va en profiter d'ici quelques minutes, hein, c'est pas grave. Voilà, le temps que je recharge la playlist. Quand je vous dis que aujourd'hui c'est libre antenne, c'est libre antenne. Hein. Alors, elle est où notre Gomar? Elle est là, voilà. Départ raté, mais bonne chanson quand même. Hein. Comme à chaque fois tu voudrais que je m'écrase, t'aimerais que je te dise que c'est pas grave encore. Faut jamais être soi, jamais trop bizarre. Faut jamais le premier soir, jamais faire d'histoire. Je dois croire en moi-même car personne ne va le faire à ma place. Encore un cocktail ce soir, je crois que je vais boire la tasse. Je sais pas où ça mène, mais cette vie c'est la mienne. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui, aujourd'hui je dis non. C'est fini d'être gentil, d'être con. Tant pis si j'ai des problèmes, tant pis si c'est pas mignon. Peut-être qu'hier j'aurais dit oui, mais aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui, aujourd'hui je dis non. C'est fini d'être gentil, d'être con. Pour les amours, les emmerdes, cette fois j'ai la solution. Tous les autres jours j'aurais dit oui, mais aujourd'hui je dis non. Toujours avoir peur quand je rentre tard, me faire emmerder par un con et lui sourire encore. Leur faire attention du matin au soir, cette fois j'en ai marre, c'est plus la même histoire. J'avais peur d'être moi-même tellement que je me suis noyée dans la masse. J'étais trop transparente pour pouvoir me regarder dans la glace. Mais cette vie c'est la mienne, ce sera plus jamais la tienne. J'ai décidé qu'aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui, aujourd'hui je dis non. C'est fini d'être gentil, d'être con. Tant pis si j'ai des problèmes, tant pis si c'est pas mignon. Peut-être qu'hier j'aurais dit oui, mais aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui, aujourd'hui je dis non. C'est fini d'être gentil, d'être con. Pour les amours, les emmerdes, cette fois j'ai la solution. Tous les autres jours j'aurais dit oui, mais aujourd'hui je dis non. Moi je prends tous les moments où tu me prends pour qui je suis. Quand tu m'écoutes sans que je parle, quand tu entends mes envies. On vivra des choses ensemble si tu sais ce qui me fait dire oui à tout le reste sans attendre. J'ai décidé qu'aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui, aujourd'hui je dis non. C'est fini d'être gentil, d'être con. Tant pis si j'ai des problèmes, tant pis si c'est pas mignon. Peut-être qu'hier j'aurais dit oui, mais aujourd'hui je dis non. J'ai trop dit oui, aujourd'hui je dis non. C'est fini d'être gentil, d'être con. Pour les amours, les emmerdes, cette fois j'ai la solution. Tous les autres jours j'aurais dit oui, mais aujourd'hui je dis non. L'émission spéciale du vendredi soir, c'est sur Indestar. Et nulle part ailleurs, bienvenue les enfants, merci d'avoir choisi Indestar. Vendredi soir, fin de semaine, c'est peut-être déjà le début du week-end. Non, mais bon, on est bien là quand même sur Indestar. Et aujourd'hui, c'est libre antenne. Donc, on pioche des sujets au hasard. Et on ne connaît pas les sujets, si ce n'est que... Quelque part, il y a forcément un de nous ou une des personnes qui vont arriver qui connaissent le sujet, puisque c'est nous qui les avons fait quand même. On les a mis donc dans cette petite poubelle en métal. Et là, on a pioché un premier sujet qui sont les jeux de société. Alors déjà, premier tour de table, jeux de société, François, pour toi, c'est un truc de tous les jours, de temps en temps, jamais, ça se passe comment? C'était un truc très présent dans ma vie, les jeux de société à un moment donné, ça l'est toujours, un peu moins, mais j'aime toujours autant faire des jeux de société. Moi j'adore les jeux de société qui sont hyper longs. Monopoly ça c'est pas un jeu de société, ça on n'y joue plus avec des copains parce que tu te fight Non mais rigolez pas, je rigole vraiment pas. C'est des trentenaires qui se sont pas parlé pendant un an à cause d'un mot de famille. Oh merde. Un dimanche après-midi. C'est des mecs. Ouais. Voilà. Qui a mal tourné. Vraiment, on en rigole maintenant, mais. Ah ouais, j'avoue, un an. On savait pas trop où se mettre, quoi. Donc, tu te rappelles comment ça a mal tourné parce que... Ouais, je me rappelle très bien. C'est que. En fait, le Monopoly, c'est ça que moi j'aime. Hein. C'est un petit peu de vice quand même. Ah oui, bien sûr. Il y a un petit peu de vice et là, le Monopoly joue beaucoup sur la frustration quand même. Mm. Et donc, il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui a un gros monopole et donc il se dit bon bah je vais essayer de faire laisser un peu aux autres jouer quoi. Ouais. Et comment tu laisses jouer les autres, c'est pas possible. Bah en fait tu cèdes une carte. Ah mais bon, ouais, tu la cèdes tellement, jamais de la vie. Tu la cèdes tellement cher que en fait ouais. T'es sûr que le mec aura beaucoup de mal pour remonter derrière. En fait tu joues sur la pauvreté des autres c'est pour ça, te faire en fait. Encore plus riche. Quoi. Donc tu lui fais une fleur, mais en même temps tu l'appauvris tellement que ça va être rude pour toi. Ouais. Ouais. Bon bah ça joue un peu là-dessus. Donc, et puis en fait, une chose en amenant une autre, il y en a un qui voulait pas vendre, il la cède à une autre personne, enfin bref. Il y en a un qui fait, bon bah si c'est comme ça, je cède à François. Ah, aïe aïe aïe. Toutes là, mes cartes. Il est parti pris là. Et moi à ce moment-là, je dois dire non. Mais t'as dit oui. Non. Je dis oui et si c'est comme ça, j'arrête de jouer, machin, enfin... Ouais. Voilà. Eh ouais, c'est ouais. Voilà. Maintenant qu'on en parle, sorti de son contexte, ça paraît un peu con quand même. Oui, voilà. C'est, mais c'est vrai que quand t'es dans le jeu, les jeux de société. Alors moi, je suis pas mauvais joueur, hein, mais c'est vrai que quand t'es dans le jeu, t'as quand même envie, t'es investi, tu vois, t'as envie de gagner, t'as envie de voilà, de tout faire pour t'en sortir et faire le mieux possible. Donc là, ouais, comme tu dis, ça joue vachement sur la frustration de Monopoly. Puis c'est soit, en fait, c'est difficilement ça peut, hein, mais souvent. Soit tu deviens de plus en plus riche, puis le pauvre il devient de plus en plus pauvre. Quoi. C'est la société. Ouais, c'est la société. C'est de toute façon, c'est totalement un jeu de capitaliste le Monopoly, on est d'accord. Il existe depuis très longtemps, j'y joue. Ouais. Petit, ouais. Ah bah 1938. 38 Ah ouais. Ouais, c'est par là. Ouais. Non mais c'est dans les années 30 ouais, aux États-Unis, ouais, clairement. Donc, ah, c'est. Non, c'est peut-être arrivé un peu plus tard en France. Mais c'est pour ça que ça s'entend en fait ce truc de capitalisme, parce qu'il y a quelque chose quand même de très satisfaisant. Je sais pas pour vous, mais bah oui. Dans le Monopoly, il y a quelque chose de très satisfaisant. Donc je sais pas ce que ça vient saisir, mais ouais. Alors que c'est le niveau, moi je trouve zéro du jeu, hein, parce que oui, y a des jeux qui sont bien plus élaborés, bien sûr. Plus sympas, etc. Mais ouais. J'ai toujours satisfaction à faire à Monopoly. Mais c'est vrai que c'est un des premiers jeux longs auxquels j'ai joué et quand j'ai été plus jeune, quand on jouait avec ma sœur et ma mère, alors souvent ma mère gagnait. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle avait plus de chance, parce que les premiers tours sont quand même décisifs. Par contre, on jouait sur plusieurs jours, parce que en fait, on n'avait pas, c'est-à-dire, je disais, on est de plus en plus riche et de plus en plus pauvre. C'était vraiment ça, c'est-à-dire que en fait, on pouvait faire des emprunts illimités à la banque, et on pouvait, à contrario, si quand on avait plus d'argent dans le jeu, on mettait sur le compte bancaire. Ce qui fait qu'à la fin du jeu, on pouvait se retrouver avec quelqu'un qui avait 8 millions et l'autre, il était à moins 8 millions. Voilà. Ça t'humilie encore plus cette histoire. Mais ma mère était ravie. De gagner avec 8 millions. Voilà. Surtout 8 millions de francs, hein, n'oubliez pas. Ah, c'était des francs. Bah oui, bien sûr que c'était des francs. Parce qu'en plus, mon jeu de Monopoly date, je crois, de 80 ou quelque chose comme ça. Donc, ah ouais. Donc, ouais, c'était des francs. Mais quand t'avais plein de billets de 50 000 francs là dans la main, t'avais l'impression d'être très très riche. Quoi. C'était cool. Bah moi, je vais parler du jeu de société. Mais on va repartir un peu dans le. C'est encore plus vieux que le Monopoly. Ouais. Ma lettre de jeu, le Père Noël me l'avait emmenée. Ouais. Les petits chevaux. Ah bah les petits chevaux, ouais. Mais je les déteste ce jeu. Les parties de petits chevaux en famille. Ouais. Mais le jaune, le vert. Mais là c'est pareil, c'est un coup à s'agacer ça les petits chevaux, parce que t'es là, t'avances bêtement, hein, faut le dire, et t'as l'autre qui arrive et il paf. Allez, casse départ. Allez. Ah ça, c'était la guerre entre moi et ma sœur aussi. Vous voyez que tous les jeux, on voit quand même que ça commence à me stimuler. Ouais. Et les parents, il arrive un moment, stop, on arrête la mallette et la rangée. Et, les parents, ils jouaient aussi aux petits chevaux. Un petit, oui. Et c'est marrant, c'est qu'il y a quelques années, moi j'ai une fille maintenant qui a 32 ans, mais il y a quelques années, elle nous avait écrit au Père Noël, comme mm-hmm. Il y a quelques années peut-être. Ouais, ouais. Il y a deux ans. J'avais une mallette de jeu. Ouais. Je me suis dit, oula, Mélanie, une mallette de jeu, qu'est-ce que je passe là? Et Mélanie a rejoué à la mallette de jeu. D'accord. Et aujourd'hui, parce que avec dedans il y a époux, quoi avec les petits chevaux, il y a le jeu de loi, le non? Le jeu de loi, il y a les dames. Il y a les dames, ouais, ouais, ouais. Il y a le loto. Ça aussi. Ah ouais, le loto aussi. Loto, ouais. Là. Ouais. Les petits jetons marrons. Et Mélanie, je vois aujourd'hui avec son époux pour se décompresser des semaines difficiles parce qu'ils ont des métiers en psychiatrie et tout. Ils jouent, font beaucoup de jeux de société. Ouais. C'est génial. C'est pour se vider. Ouais, et complètement. Et ça leur permet, alors chaque couple, ça leur permet de, en couple, de faire des jeux de société, de partager. Et ils font beaucoup, beaucoup de jeux maintenant. Mmh. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est revenu le jeu. De ah, mais clairement, hein, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Mais le marché du jeu de société, depuis, je dirais 10-15 ans, ça a largement été revalorisé avec plein de nouveaux jeux qui sont arrivés aussi sur le marché. Parce que le Monopoly, je pense qu'on a tous joué au Monopoly. Les petits chevaux aussi, quand on était petit. Moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas énormément de jeux finalement, enfin, où il y avait vraiment les jeux traditionnels et tout le monde jouait un peu à la même chose. Quoi. Bah, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, on en a parlé. Malheureusement, c'est un peu un anniversaire bête. Et le Covid, ça a apporté beaucoup de gens. On ressorti les boîtes de mallettes de jeux pour les enfants et s'occuper. Ouais. Quand tu n'étais pas tout seul chez toi, évidemment. Et beaucoup de commandes sur Internet a été des jeux de société. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais. Même sur. Et ta mallette, donc toi, ton préf, c'était les petits chevaux. Ouais. Okay, parce... Oui, alors les petits chevaux, pourquoi? Parce que. Bon, moi, je ne vais pas parler de mon âge, mais j'ai des souvenirs que mon papa jouait au PMU, et c'était les petits chevaux. Oui. Mais là, à cette époque-là, c'était tout. Il lisait le journal, et on allait au café. Alors, moi, j'avais le droit à la pince pour faire les petits chevaux. Je choisis les petits chevaux. Mm-hmm. Alors je disais c'est toujours le rouge, parce que j'étais petit. Ah bah moi aussi. Et puis j'avais le roi en même temps, le diable menthe. Lui il avait son vert, moi j'avais le diable menthe. Ah j'étais content, j'étais fier. Et on jouait un peu le dimanche aussi aux petits chevaux. D'accord. Ouais. C'était alors sur la même mallette de jeu. Enfin il y avait les mêmes jeux. C'était le jeu de loi moi. Et je me rappelle les parties avec mon grand-père, parce que ma grand-mère, c'était mort, elle voulait pas du tout jouer au jeu de loi, c'est bête comme jeu. Et mon grand-père, je sais pas si ça l'amusait ou si c'était pour faire plaisir à son petit-fils, mais en tout cas, il était au taquet sur le jeu de loi. Voilà. Mais bon, voilà, après, non, c'est vrai que c'est un des premiers jeux, souvent la petite mallette, les petits chevaux, le jeu de loi, parce que quand t'as compris le système, je pense que quand t'as 4 ans, tu peux commencer à jouer à ces jeux-là. Oui, et puis c'est des jeux qu'on joue avec des copains. Oui. C'était. On était ensemble, ces jeux-là. C'était familial, c'était des moments de partage. Et puis, c'était. Quand on commençait à sortir la mallette, tout le monde s'installait. Hein, c'était. Alors, il y avait des guéguerres, hein, c'est vrai, hein, comme tous les jeux. Alors, il fallait calmer un peu les enfants. Hein, les ardents. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Tiens, il y a quelqu'un qui vient d'arriver qui a popé. C'est comme ça, je vous avais prévenu hein, dans cette émission, il y a des animateurs qui arrivent au fur et à mesure. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça marche bien, ouais. Ouais, on t'entend bien. On t'entend bien. Alors, un petit peu en retard, mais je vois que la discussion a déjà commencé, a bien commencé. On sait bien. Ouais, premier sujet, hein, premier sujet, les jeux de société. Alex? Axel? Olivier. Olivier presque. J'ai voulu. Coucou le malaise. Mais j'ai voulu. J'ai voulu me dire. Allez, je connais. Et Olivier. Pourtant, ça fait 3 fois que je viens. Oui. Bravo. J'ai dit au début de cette émission que j'étais pas physionomiste et que je retenais pas les prénoms. Olivier, bien sûr. Du coup, ça m'arrive tous les jours quasiment cette histoire. Hein. Vraiment, je ne rigole pas. C'est bonsoir Olivier. Moi, la troisième fois bonsoir que tu viens. Olivier. Bien, bonsoir Olivier, je le savais. Du coup, il est tout rouge. Olivier, les jeux de société, pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est quoi? Alors là... les jeux de société, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Ah ouais? C'est de temps en temps. J'en ai racheté justement pendant la période du Covid. Ouais. Et j'ai fait une partie avec, et en fait c'est tout. Mais pas parce que. Non, j'en ai refait quelques-unes quand même. Mais après, surtout, il faut y penser en fait. Mais sinon, c'est vrai que c'est. Quand c'est tu joues, tu joues avec qui? Famille, amis? Famille, amis, ouais. Ouais, c'est ça. Plutôt en grande bande ou plutôt 2-3? Plutôt 2-3, ouais. Ouais, ok. Ouais, ouais. Et c'est quoi comme jeu que tu as acheté pendant la période du Covid? Des jeux plutôt... Ah, je ne saurais même pas les nommer en fait. Des jeux un peu... Des histoires un peu fantasy, tout ça. Ok. Des jeux de plateau, recherche, tout ça. Ok. Qui nécessite pas mal de temps, j'imagine, quand t'es à plusieurs pour jouer. C'est pas genre des parties en 10 minutes. Alors, ouais, il y en a un que j'ai acheté et le temps de l'installer, tout ça, et déjà l'espace qu'il faut pour l'installer. Ouais. Rien que ça, déjà, il faut vraiment s'y préparer. Quoi. Ok. Après, j'ai un autre jeu où en 10 minutes tu fais des parties, en fait, c'est rapide. Ok. Donc, après, d'accord. Ouais, mais tu t'octroies pas 10 petites minutes comme ça de non, temps en bah, temps dire, non, non. Après ouais, il faut jouer à plusieurs comme ça et lancer une partie okay. Mais non, sinon ça fait longtemps que j'avais pas fait. Et petit, ton histoire avec les jeux de société, c'est quoi ton premier jeu qui t'a marqué? Alors évidemment je pense au Monopoly en premier. Ouais aussi hein. Ça, voilà. On l'a abordé et, hein, le Monopoly ouais. Hein. Les clashs entre frères et sœurs. C'est marrant, c'est vraiment le jeu pour se disputer avec tout le monde, ses amis, sa famille, jouer au Monopoly. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ok, et eh ben, merci Olivier. Jean Alors moi, c'est beaucoup Trivial Poursuite. Ah ouais, attends. Ouais, on est un peu intellect dans la famille. Ouais, parce que alors, le Trivial Poursuite, alors il y a peut-être différents niveaux. Oui, selon les catégories, les âges, les tranches d'années, il y a les premiums, il y a plusieurs. Parce que moi, versions. Je me rappelle avoir joué à Trivial Poursuite, je crois même que j'en ai une version de vacances, tu vois, à la maison. Ouais, il y en a ça. Plein, c'est comme Monopoly, ils ont dupliqué sur plein de trucs, les Simpsons, les machins. Et honnêtement, le niveau des questions Trivial Poursuite, ouais, c'est costaud. C'est costaud. Moi, j'en ai refait une il y a plus que le Burger Quiz. C'est clair. 3-4 mois, franchement, c'est chaud. Ouais. Ouais, ça, c'est très très long aussi. Quand tu tombes dans des catégories que tu connais absolument pas, genre moi, le sport, des choses comme ça, la coupe de machin en 97. Littérature, divertissement, c'est compliqué pour moi. Après, le reste, ça. Et étant donné que mon père est professeur des écoles, autant dire qu'il est imbattable. Donc, les parties avec lui sont très courtes. Non, mais voilà, après plus jeune, disons, plus jeune, je suis pas vieux, j'ai 30 ans, mais Uno. Ouais. Uno, classique, Monopoly. Vrai, je pensais au vieux jeu, le Milborn aussi, à une époque. Le Milborn, j'aime bien le Milborn. Milborn, c'est pas mal ça, j'aimais bien la roue crevée là. ça fait mal ça. Voilà, sinon... Et quand tu, pendant une partie complète, que t'as pas la carte qu'il faut. Ah ouais, tu t'acharnes jusqu'à la mort. Et le petit cochon. Ah oui, j'ai eu ça. Il ouais, y oui, avait ouais. quoi? Il y avait le nain jaune aussi. Après, beaucoup avec mes grands-parents, le Yam. Ah oui. Lancer de dés pour faire. Bah, comme les séries de poker en fait, mais oui. au dés. Ouais. C'est exactement le même principe. Yam, c'est complètement un jeu de dés. Ouais. Ouais. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que t'as des nouveaux jeux que t'as découverts et t'as envie de partager comme ça ou de... Alors, c'est plus mes amis qui m'apportent les sujets sur la table et puis. Voilà, puis par curiosité, on se lance dans le truc. Après, on parlait du phénomène des jeux de société qui prend de l'ampleur vis-à-vis de ça. Et c'est vrai qu'à la médiathèque d'Amboise, ma mère y travaille et il y a tout un rayon, une pièce avec les jeux et énormément de personnes, voire même des personnes âgées. Ouais. Qui sont seuls viennent jouer avec des plus jeunes et autres. Tu peux venir jouer à la médiathèque. Oui, complètement. Ok, bah c'est cool. Je fais un peu de pub pour la. C'est récent. Pardon. C'est récent. Oui, c'est tout récent. Bah là, il y a eu l'inauguration il y a. Il y a 2 mois de mémoire et donc c'est à côté du collège Malraux, juste vraiment à côté, et donc il y a vraiment un coin spécial jeu. Donc si vous habitez en région Centre-Val de Loire du côté d'Amboise, vous avez la médiathèque. Alors je suppose qu'en plus c'est quelque chose qui doit exister un peu, enfin dans d'autres villes, hein. Il doit pas y avoir qu'à Amboise. Oui, tout à fait. Ville royale, mais bon. Non, mais c'est tout récent et ça a été conçu pour ça. Dans ton village aussi, ouais. Dans mon village, donc, ouais, mais toi, il y a 2 jeux dans ton village. je rigole. C'est chouette, ça fait un contexte social. Et puis, c'est vrai que c'est rigolo enfin partir un peu des jeux virtuels. Parce que c'est vrai que j'ai le Trivial aussi sur mon téléphone quand je m'ennuie. Les jeux télévisés. Tu regardes les jeux télévisés. Ah ouais, 12 coups de vie, je suis un malade mental. Ouais, j'ai 30 ans, mais j'ai 52 ans dans ma tête. Question pour un champion. Tape. Ah ouais, mais j'adore ça, slam, motus, ouais, j'adore. D'accord. Ouais. Ah ouais, pas mal, okay. Pas mal. Ok, bah écoute, merci de ton partage. Lisa, tes jeux, enfin les jeux de société, pour toi, ça te parle, tu joues souvent? Écoute, quand je fais remonter ma mémoire, bah, j'ai beaucoup joué aussi aux jeux de société traditionnels quand j'étais petite. Ouais. C'était quoi ton jeu préf? Je pense que Monopoly. Ah oui, aussi, ça revient, ouais, Monopoly. On l'avait. Ok. Et moi, j'allais jouer aussi chez des copines qui avaient plus de jeux de société que ma famille. Mmh. Et j'ai joué aussi à des jeux de société où il faut retrouver le meurtrier. J'aimais bien ça, moi. Ah ouais. Cluedo. Oui, oui. Ouais, Cluedo. Cluedo, voilà, ouais, maintenant il y en a plein aussi. Qui a tué avec le chandelier. Ouais. Moi, j'adorais trouver le colonel les enquêtes. Moutard. Le colonel Moutard, évidemment. J'aime toujours ça de. Voilà. Ouais. D'essayer de trouver. Je sais pas si tu te rappelles, on en avait joué un chez moi où. Alors, j'ai plus le nom maintenant, il y en a tellement en plus, mais. Le loup-garou, on avait joué. On avait joué le loup-garou, ouais. Mais là, c'était un jeu où, en fait, t'es le meurtrier. Enfin, non, t'es mort, pardon. T'es le mort et tu dois faire deviner. Comment tu es mort avec tout un tas de choses. Il y a une table de spiritisme, il y a des cordes, il y a des trucs, et là tu joues en collaboratif, en fait les autres doivent essayer de deviner le scénario qui a conduit à ta mort, et c'est des situations souvent un peu rocambolesques. Oui, je l'ai ce jeu effectivement, et quand tu parles de jeu collaboratif, je pense que depuis une dizaine d'années à peu près ça revient, c'est vraiment une. Enfin, je sais pas si c'est une nouveauté, une création, mais c'est ce que les commerçants, les industriels mettent en avant. Quand on regarde. La collaboration plutôt que de gagner seul. Bah, pour éviter les frictions entre amis ou en famille, tu vois, au moins si tu gagnes tous ensemble ou tu perds tous ensemble, mais t'es une équipe. Exactement. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. Après, le nombre de jeux de société, alors il y a des très bons jeux, d'autres beaucoup moins évidemment, hein, mais je trouve que autant certains jeux traditionnels, tu vois, ouais, à 1000 bornes, ça me fait toujours kiffer de faire un petit 1000 bornes ou ce genre de jeu que j'ai bien aimé quand j'étais enfant, autant il y a plein de nouveaux jeux que je trouve top aussi en termes de stratégie, voilà, moi par exemple il y en a un, tu vois, ça fait quand même plusieurs années que j'y joue régulièrement et je m'en lasse pas, c'est King Domino. C'est mon jeu préféré. Voilà. Et tu m'as jamais invité à jouer avec toi à ça? Non, je joue qu'avec des gens de qualité. Alors Yann, on peut se lancer un petit défi, je suis imbattable à ce jeu. C'est vrai? Je joue sans BGA et tout. Allez, racontez-nous vraiment, ce que c'est comme je suis un malade mental du King Domino. Ok, bah écoute, à l'occasion. On en a déjà parlé cet été, oui, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Et là, il y en a un qui est pas mal, mais attends, alors. Tu nous as même pas dit, moi je connais pas ça. Le principe du jeu. Alors, le principe du jeu, tu as un château, on s'en fout, mais tu dois faire un royaume autour. Et ce sont des dominos. D'accord. Donc tu as des dominos de différents territoires que tu dois, si possible, plus possible, assembler ensemble. Et sur certains dominos, tu as des couronnes. Et en fait, si tu arrives avec un grand territoire sans couronne, ça te rapporte que dalle. Par contre, plus tu as de couronnes sur ce même territoire, à partir du moment où les dominos s'assemblent les uns avec les autres, plus tu obtiens de points. Donc l'idée n'étant pas d'avoir forcément tous les royaumes, c'est faire des choix aussi. Mais c'est faire des choix parce que aussi dans ton jeu, quand tu joues à plusieurs, il y a un ordre. Et en fait, l'ordre, plus tu en gros, je te schématise le truc, mais plus tu vas prendre un domino intéressant, moins tu choisiras l'ordre pour le tour d'après. Donc il faut effectivement, comme dit François, faire des choix. Des fois tu dis bon, c'est pas grave, je prends un domino un peu moins bien mais qui peut quand même me servir pour mon choix de territoire, et le tour d'après au moins j'aurai la main. Et peut-être que si après il y a une question de hasard aussi, hein, mais si il tombe un bon domino dont j'ai absolument besoin d'une couronne pour compléter mon territoire, bah à ce moment-là je ferai le choix de prendre le domino le plus intéressant. Voilà. Okay. Donc ça c'est grosso modo le concept du King Domino. Après il y a un autre jeu que j'aime bien en ce moment aussi, mais par contre à chaque fois je gagne, alors du coup je suis trop fort. Non, je pense pas que c'est ça, mais j'en doute. Est-ce qu'il triche? Non, c'est Meeple War. Alors les Meeple, ça existe dans plusieurs jeux de société maintenant, mais Meeple War, en gros, c'est vraiment un jeu de stratégie où tu vas aller attaquer l'adversaire avec des petites armées, etc., pour aller détruire les propriétés de l'adversaire. et tu développes différentes stratégies d'attaque, de défense, etc. Et à ça, j'avoue que, avec la personne avec qui je joue souvent, je gagne systématiquement. Mais ce qui n'est pas forcément le cas, parce qu'au début, alors j'ai fait peu de parties avec d'autres personnes, mais notamment avec Angé, et Angé m'a gagné. Donc okay. Preuve que je ne suis pas indestructible sur ce jeu non plus. Attends, on était très forte quand on avait joué ici à un jeu. C'était territoire à savoir ça... la localisation de. Oui, j'ai plus le nom là. Génial. Ça joue sur internet. GeoGuessr. Ouais. GeoGuessr. C'est il y a peut-être des joueurs de GeoGuessr. Très bon jeu pour parfaire sa géographie. GeoGuessr qui joue sur internet, mais en gros vous êtes sur comment ça s'appelle, le Google Maps, en gros c'est ça, hein. Et puis on doit deviner en moins de temps possible où on se trouve, on a un chrono d'ailleurs, où on se trouve et le mettre le plus précisément sur la carte. Et c'est, en vrai c'est un vrai bon jeu, enfin c'est tout bête comme principe, mais il y a des malades mentaux de GeoGuessr, hein, des mecs, tu les mets. Alors est-ce que ça c'est fake ou c'est vrai? Ah, j'ai vu que les extraits sur Instagram, tout ça. Non, en vrai, je les ai vus. Ils vont en Sibérie, tout ça. Et c'est... Ils arrivent à 24 km à côté. T'es en plein milieu de nulle part. T'as pas d'affiche. Et dis, ouais, mais ils te ça... disent ça à travers la pelouse, le type d'herbe, un arbre, le soleil. Non, mais de ça, tout, c'est je te jure, ouais. Parce que moi, j'ai commencé en Europe ou d'autres trucs. En fait, t'es dans. C'est plus qu'un plan. T'es comme dans le mode Street View de Google Maps. Donc tu peux te balader, tu sais, tu peux te retourner, tu peux te balader. Et je sais plus le temps, ça doit être 90 secondes ou un truc comme ça. T'as 90 secondes pour placer sur la carte du monde le plus précisément où tu te trouves. Et bon, il y a des trucs ça. Quand tu commences dans des capitales européennes, etc. Bon bah tu vois là, t'arrives à voir avec des panneaux, des trucs. Des fois, ça m'est arrivé de tomber à 200 mètres à côté, tu vois. Mais moi, quand tu vois des gens, des experts là-dedans, ils sont en plein milieu de nulle part. Et ils te disent, ah ouais, mais attends, ce type de marquage de route, il y a ça qu'en Suède, et puis là, machin avec les montagnes, ça c'est telle zone, et puis machin avec la position du soleil, comme tu dis. Ils ont joué des heures et des heures. Ah ben ils ont joué des heures et des heures, mais. Même des heures et des heures pour connaître le monde entier, c'est. Ah ouais, c'est. Même toute une vie, je respecte là. J'avoue. Déjà cultivé pour connaître effectivement les panneaux. Ouais. Mais bon, en tout cas. Pour le coup, c'est très. C'est un jeu de culture générale. Et puis, c'est vous avez laminé, nous, les filles. Oui. Non, c'est faux parce qu'avec Angé, on avait fait. Ouais, je connais le Portugal. Moi aussi, je connais le Portugal. Et on a voilà, un peu un concours de. Hein je l'ai éclaté. Oui, pardon, Patrick. Non, je vais revenir au jeu. Oui, revenons au jeu. Mais vous savez, aujourd'hui, le jeu aussi. Alors, je parle pour. Personne que je connais très très bien, proche. Approche-toi un petit peu du micro, ouais. Elle a eu un AVC. Ouais. Et sachez qu'aujourd'hui, les médecins, les orthophonistes, préconisent dans le soin de refaire des jeux de société. Parce que le jeu de société permet au cerveau, les personnes qui ont fait un AVC, des gros trucs, le cerveau. Ouais, ça fait lui permet de. Vous voyez que le jeu de société. Ah, bah bien sûr. Sert aussi pour la santé. Bien sûr. Pour avancer aussi. Vous voyez. Et puis on peut avoir des bagarres facettes, dans les jeux de société. Oui. Mais on peut aussi. Le jeu de société apporte aussi un bien-être pour la personne. De manière. On n'en parlait pas. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Et. Ben oui, les orthophonistes, mettent en place. Alors parce que déjà dans un jeu d'équipe, t'es pas obligé de te fighter, ça peut être un moment très agréable aussi. Et puis tu vois, par exemple, je parlais de Meeple War ou autre, c'est des jeux qui sont très stratégiques. Donc forcément, t'es là, t'es concentré. Ça fait partie des moments, enfin, qui peuvent te faire travailler le cerveau, te faire réfléchir à comment je vais avancer mes pions. Même des jeux, enfin, je veux dire plus basiques, mais qui sont parce que tout le monde les connaît. Mais qui sont aussi très stratégiques. On parlait des dames tout à l'heure, les échecs, hein, évidemment. Échecs, c'est des jeux hyper stratégiques. Tu développes tes trucs et tout ça au fur et à mesure. Donc, bien sûr, que ça peut permettre de reconstruire un cerveau, de faire travailler, etc. Bons exercices. Et le jeu aussi, maintenant, il y a des jeux où aussi, pour ces personnes qui ont un handicap ou un truc comme ça, mettent en place aussi des supports pour qu'ils participent aussi à jouer en famille. Ah oui. Pour tenir les cartes, oui, bien sûr. Ils ont des supports. Je veux dire, voilà, ça fait partie aussi dans la mallette de jeu de ça pour la santé. C'est génial. C'est quand même pour que tout le monde puisse tout jouer. Tout le monde participe, pour pas être sur la touche, parce qu'ils ont le droit à faire aussi des jeux de société. Mais j'étais tombé sur un truc sur les jeux de société, en disant que ça faisait travailler une partie du cerveau que nulle autre activité ne faisait travailler. Ah oui, que les jeux de société. Les jeux de société, effectivement, d'accord, par le truc. Et moi, je sors. Enfin, il y a des. Je trouve qu'il y a des fois des parties de jeux de société. Je sais pas ce que t'en penses, Yann, mais je pense moi au Game of Thrones, c'est un jeu énorme où vraiment ça te prend la tête parce que ça demande beaucoup de concentration. En fait, t'es dans le truc. Ouais, moi, j'adore ce genre de jeu. Je suis totalement happé par ça. Mais tu fais 6 heures de partie, t'as l'impression d'avoir fait une séance de sport. Ah ouais, bah bien sûr. Ou fait de la rando, je sais pas. Vraiment, t'es fatigué quoi. Ah, parce que t'as ce côté stratégie, t'as tout ça. Et puis en plus de ça, ce qui est sympa dans les jeux, mais ça, Monopoly, j'avais cette impression là aussi à l'époque, c'est que ou Cluedo, des jeux comme ça, c'est que t'es dans un univers, tu vois. Ouais. T'es investisseur dans Monopoly, Cluedo, t'es là, ouais, machin, il y a un meurtrier, etc. T'as l'impression de le vivre. Et c'est chouette, ça te fait voyager aussi, c'est cool. Et surtout, ce que je trouve magnifique dans le jeu de société, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Enfin, c'est vrai. Je suis persuadé que si on aime les jeux très longs et on aime quoi. Si on n'aime pas trop jouer, il y en a pour vraiment oui, tout le monde. Oui, puis on peut alterner les jeux basiques, les jeux plus où tu dois oui. plus réfléchir parce qu'après. Bah, parce que t'as fait une bonne journée de travail, tu voilà. vois, t'as un quart d'heure devant toi, effectivement, tu vas pas te lancer dans un jeu qui mettrait 6 heures et tu dois bien réfléchir. Donc, ouais, t'as un contexte qui en fonction de ça et puis en fonction des personnes avec qui tu joues aussi, tu vois, ouais. si c'est ouais. les arrière-grands-parents. Bon bah tu vas peut-être pas te mettre non plus à lui ouais. expliquer un nouveau jeu avec des stratégies de ouf, mais voilà. C'est très recommandé aussi parce que les jeux de société sont très révélateurs des règles sociales et de comment tu te comportes en société, et ça peut aussi t'aiguiller de regarder tes pairs ou les plus ouais. âgés. Et non mais c'est vrai. Ah, je comprends pas ce que tu veux dire. De voir quelqu'un qui a comme toi qui se fâche, etc. Voilà, tu vois, c'est des non, personnes moi, qui en société. On t'apprend aussi les règles de vie ouais, en société vie, ouais. et tu vois aussi les caractères. Un qui est impulsif, l'autre qui est plus ouais, patient, l'autre qui va être très stratège. Mais après, il y en a qui se révèlent. Hein. Enfin, moi, je sais que j'ai des potes. Tu les mets dans un jeu, ils sont ultra compétitifs et ils sont hyper. Et en dehors, ce sont des personnes, on va dire, normales. C'est, oui, des fois, il y a le mais truc. Normal, mais peut-être passionné. Tu vois, passionné, ouais. Ouais, des gens ouais. qui sont à fond sur le ouais, sujet, c'est... et du coup, dans le jeu de société, bah, ils vont être aussi à fond dans le jeu de société. Tu vois, ça va révéler côté-là de leur personnalité. Ouais. Et le jeu de société aussi permet aussi des liens sociaux. Ouais, pour renouer du lien social pour les malades, pour les. Je ne vais pas parler de mon cas personnel parce que j'aime pas ça, mais ça m'a redonné aussi un lien social de participer, de. Eh ben, on va jouer avec quelqu'un. Mm-hmm. Et ça, c'est important aussi. Ouais. Hein. Parce que là, on n'est pas devant notre écran, tout ça. Là, ouais. on joue avec quelqu'un, on discute. On partage. On partage. Oui, il y a un lien humain qui est en plus, parce qu'on pourrait faire un parallèle avec des gens en réseau sur des jeux vidéo et des choses comme ça. Mais c'est vrai que là, t'as un vrai lien humain. T'es tous ensemble autour d'une table. Tu te regardes. Voilà. Donc, c'est forcément le lien, il est beaucoup plus fort. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle un jeu de société. C'est parce qu'on est vraiment ensemble et pour partager un bon moment, normalement, ensemble, le mieux possible, quoi, en tout cas. C'est okay. un grand mot, le mot jeu société. Oui, c'est vrai. Et ça, on le voit quand même que ça apporte beaucoup, beaucoup de choses. On en parle tous là, mais ça apporte tellement de choses, le jeu de société. Et comme je disais, le Covid a rapporté un petit peu cette chose. Hein. Mm. Dans certaines familles, ça a dû renouer. Alors, il y a des familles non, mais ça a été quand même un beau marché. Hein. Il faudra un petit Covid. Il faudra un petit. Non, mais moi, je suis. Allez, non, mais. Implorons. Je suis alors, je ne dis pas Covid, je ne veux pas dire de gros mots, mais qu'est-ce qu'il raconte. Mais. Ce confinement, alors oui, il a pu apporter des choses, c'est sûr. Voilà, mais je trouve que c'était quand même. Je dis pas que ça a été évident pour tout le monde, hein, non, loin de là, loin de là, mais c'était des moments où je trouve il y avait cette forme de. Une espèce d'arrêt dans le temps, dans la vie de chacun. Ouais, en dehors c'est du vrai. Temps. En dehors ouais. du temps, donc ça veut dire qu'on cuisinait plus, on ouais. passait plus de temps ensemble. Je pense que ça a permis à certaines personnes de se recentrer un petit peu sur eux-mêmes et sur la famille aussi, hein, puisque ouais. de toute façon c'était le seul cercle qu'on pouvait fréquenter. Ouais, t'as raison. Enfin, je le pense, ouais. Il y en Moi, a qui l'ont mal vécu, mais y a, ouais, y ceux qui ont eu la chance d'avoir une situation situation dans laquelle c'était plutôt confortable de le faire, ça a pu apporter des choses. Ouais. Je pense qu'il y en a qui ont sorti le chiffon à poussière sur les boîtes à jeux. Oui. Du placard pour. C'est ça. On n'y avait pas joué depuis 92. En fait, François, il veut pas un Covid, il veut 2 mois de vacances. C'est ça, c'est des vacances. Non, mais je trouve que c'est. En fait, c'est trop important parce que nos vies, elles se déroulent et on a toujours. Et en fait, c'était un moment, je trouvais, opportun pour se poser. C'est vrai. Ça s'arrêtait, on était nous avec nous-mêmes et finalement il y en a pour qui ça a été terrible parce que la vie s'arrêtait, ils ont jamais été face à eux-mêmes, ils ont enfin voilà, il y a des histoires quand même assez terribles quand même des couples en fait qui, donc tu vois, quand t'avais deux travails différents et du coup tu te voyais qu'en passant entre deux portes et là là tu dois supporter 24 heures sur 24. Ça veut quand même dire quelque chose et nous on a passé avec des copains, on a passé des moments fantastiques parce que il y avait une plateforme de jeux de société en ligne qui s'appelle BGA. On y jouait, on se marrait à des petits jeux le 6 qui prend par exemple et on vraiment on rigolait. Moi je me rappelle de fou rire absolument incroyable avec Arès. Autant tout à l'heure les liens sociaux pour Patrick, mais là incroyable, ouais. C'est bien. Mais non, et c'est vrai que c'est ça qu'il faut se rappeler, je trouve, c'est que le jeu de société, tu rigoles quand même beaucoup et ça te fait des super souvenirs. C'est clair. Vie, bah oui, c'est oui, clair. Oui. C'est clair. On le voit. Hein. Les jeux de société, ça nous permet de partager. On voit tout de suite. Et comme je disais aux mes enfants là. Bah eux, ils ont trouvé cette chose de partager un peu une vie de couple. On va faire un jeu ensemble. Mmh, comme ça, ils font quelque chose. Ouais, c'est une activité commune. C'est, il y en a qui font du sport. Voilà, c'est leur moment un petit peu. Je trouve, c'est chouette. Hein, mmh. C'est, voilà, ça peut. Le jeu de société apporte tellement de choses dans la vie. Et c'est super. Retenez bien ces paroles de Patrick, le jeu de société apporte plein de choses dans la vie. Alors, n'hésitez pas à en faire après avoir écouté évidemment cette émission. François, je te laisse piocher le prochain petit papier. De quoi va-t-on parler super. Dans un instant? Alors, il est concentré. Yeah. 2030. Ok. Wow. Alors c'est quoi ça, un jeu de société? Non, je crois que c'est plutôt une vision d'avenir finalement. Ouais, 2030. 2030, c'est dans 5 ans. C'est Olivier, okay. C'est dans 5 ans. Bonjour. Et Olivier, bah écoutez, c'est toi. On va faire un petit bond dans l'avenir. 2030, alors, c'est génial. J'ai rien noté, donc ça va pas. Ah, t'as rien noté. Non mais ça date de la fois dernière. Ah, c'est possible pas ton écriture, que ça date de la dernière fois. C'est pas ton écriture, ça, Olivier? Non, je crois que c'est la mienne en fait. Je crois que c'est moi qui avais mis ça. Il me semble. C'est génial, c'est mieux qu'un thème, ça. 2030. Ah bah tu vois, j'aurais pu mettre 2048, oh là là. Mais voilà. On va pouvoir 2030. Faire les 800 milliards d'efforts de guerre. Exactement. Avant ça, on écoute une reprise de Rosaline. C'est Snap qui est proposée par Emin. Et c'est maintenant sur Indestar. Bienvenue, c'est vendredi soir, profitez de cette soirée pour être avec nous, c'est cool. 4h du mat, j'y pense encore. Je voudrais que ces souvenirs s'effacent, mais rien ne passe. Ils disent tous tu feras, tu n'auras qu'à claquer des doigts. Comme si ne plus jamais penser à toi ne tenait qu'à ça. Il n'y a que le temps, je crois. Je craque une et deux fois, mais je te vois pas. Dans mon cœur, tu es là. Je craque trois et quatre fois, je n'ai plus besoin de toi. De mon cœur, tu t'en vas. Et je veux pas. J'écris une chanson, ce sera la dernière. Je l'ai conclue, j'ai déjà dit ça hier. Ça fait quelques mois que j'ai le cœur en feu. Et j'ai passé des nuits sous la pluie pour l'éteindre un peu. Je craque une et deux fois, mais je te vois pas. Dans mon cœur, tu es là. Je craque trois et quatre fois, je n'ai plus besoin de toi. De mon cœur, tu t'en vas. Jusqu'à 23h, c'est l'émission spéciale sur Indestar. Bienvenue à la maison. Ah oui, c'est la maison, c'est Indestar. Bienvenue tout le monde, indestar.fr. Les applications d'écoute en ligne ou en podcast pour écouter cette émission. À l'instant, on vient de parler des jeux de société. Apparemment, il y a plein de monde qui a, ouais, j'aime bien les jeux de société, je voulais en parler. Bah, fallait arriver à 21h, voilà. À 20h, parce qu'il est 20h50. La prochain papier qu'on vient de piocher. C'est une petite vision d'avenir. Je dis petite parce qu'on va se projeter en 2030, ce qui finalement dans 5 ans. Ouais. Mais en même temps, en 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Bah ouais, c'est clair. Hein. Ouais. Alors, le monde dans 5 ans. Allez, François, fais-nous rêver. On parlait d'immersion tout à l'heure. Imagine-moi le monde dans 5 ans. C'est quoi pour toi ton quotidien? Qu'est-ce qui change? Le monde idéal ou le monde qui vers quoi on tend? Bah, si on dit 2030, allez, on peut être positif quand même. On peut se dire que ça va évoluer positivement. Ouais, mais avec des éléments qu'on peut commencer aussi à voir aujourd'hui, peut-être, puisque c'est pas dans si longtemps que ça. Bah, moi, j'ai pas l'impression que ça va évoluer positivement. Comme... Alors, je crois que c'est le propre de l'homo sapiens que d'être des. Pas défaitiste, mais de pessimiste. Mmh. Ça fait partie de. Ça, ah bon, la survie. Ça fait partie de... En fait, on a plus tendance à être négatif parce que c'est une méthode de survie. Quoi. Ce qui fait qu'on serait surpris positivement si c'était mieux que la vision pessimiste qu'on aurait. Quoi. Bah là, quand même, on a des faisceaux d'indices qui nous montrent que ça va pas sentir ça va très pas dans très le bon. Sens, quoi. Ça, c'est vrai. Non, mais on est obligé de... J'ai du mal à être positif. Moi, je suis quand même un positif dans l'âme. Ah. Et là, je me dis, bon, bah, on va mettre beaucoup d'argent pour des armes, tout ça. Alors, est-ce qu'on peut vraiment faire autrement? Ça, c'est peut-être un autre débat, je sais pas. Mais il y a plein d'autres choses aussi à financer. Je pense à la santé, le logement. Ouais, et puis c'est la transition. Là, ça fait un peu l'objectif, c'est la guerre, quoi. Bah, transition écologique qui va être absolument terrible pour un certain nombre de personnes. Et ça, tant qu'on n'a pas le nez dedans, j'ai l'impression que voilà. Mais moi, ça me fait un peu flipper, ça. Qu'on mette pas autant d'énergie dessous dans la préservation de notre planète. Ah oui, on cuit déjà l'été. Donc effectivement, dans 5 ans, je te rejoins là-dessus. Il faudrait plus mettre les ressources sur la planète que alors dans toi, Lisa, donc, dans 5 ans, ce que tu vois comme principal changement, c'est on a plus chaud l'été. Ah mais ça devient chaque année, franchement, ça devient vraiment catastrophique. Hein. Je sais pas, mais moi je cuis. Hein. On va faire un œuf sur Lisa. J'ai pas la clim, ceux qui ont la clim encore, mais ils restent chez eux, ils vont plus dehors. Mais ouais, mais du coup, triste l'être humain vie. Ne supporte pas les 45 degrés, tu meurs. Hein. Ouais, et ça, j'ai l'impression que les gens, ils sont dans le déni des fois. Après, quand même. J'ai une sœur qui a vécu au Mali, si tu veux, voilà, et qui était 45 degrés, elle les avale. Mais en même temps, plus tu te rapproches de l'équateur, plus effectivement le réchauffement climatique il va toucher tout le monde. Donc en fait, avant de réellement toucher la France, même si bon. Voilà, on peut avoir chaud, on peut avoir froid l'hiver aussi, mais plus tu vas te rapprocher de l'équateur, plus ça va être invivable, effectivement, ça c'est une réalité. Je sais pas, parce que tu sais, moi, mon pays d'origine, c'est le Gabon, c'est à l'équateur, il y a des températures qui restent relativement... raisonnables On n'attend pas des folies de 45 degrés, quoi. Ah ouais. Après, il y a un taux d'humidité, enfin, c'est très humide aussi, mais... Ouais. Parce que après, quand tu regardes certains, même aux États-Unis, hein, t'as eu des périodes de sécheresse ces dernières années, etc. Ah bah, il y a de plus en plus d'incendies. Bien sûr. Donc ça, c'est négatif, hein, on est d'accord. Plutôt négatif. Hein. Oui. Je t'avoue que là. Ok. Dans et toi alors? Dans le quotidien, dans le quotidien. Mais on va demander aussi parce qu'il y a des invités qui arrivent au fur et à mesure. Tout à l'heure, Olivier, du coup, qui est arrivé, mais on a aussi Cédric qui est avec nous ce soir. Donc voilà, il va nous dire un mot de sa vision de 2030 aussi. J'attends ça avec impatience. Non, dans le positif, moi dans je le vois positif. L'IA quand même. L'IA. Pour toi, tu vois ça positivement, l'arrivée de l'IA? Pas pour celles et ceux qui seront au chômage, mais disons que ça nous propulse quand même en termes d'information, la rapidité de l'information et qu'on n'ait pas à trier, la chercher, la hiérarchiser. Enfin, c'est... Ok. C'est génial, je trouve. Donc, de la facilité d'accès à l'information. Ouais, ah bah oui, déjà qu'avec Internet... Quand elle est vraie, quoi. Oui, bah c'est à modérer effectivement, ouais. parce que mais je pense qu'ils vont le perfectionner à force. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah après, enfin c'est vrai qu'on peut avoir une vision très positive ou très négative ou entre les deux d'ailleurs de cette évolution là. C'est clair que à mon avis 2030, à la vitesse où ça va, quand on voit les évolutions qu'il y a eu sur l'intelligence artificielle générative depuis ces deux dernières années, on peut se dire que ouais effectivement en 2030 ça serait une dinguerie. Après il faut continuer à lire. Il va falloir continuer à contrôler surtout ce que là où on veut amener les choses en fait. C'est surtout ça que je vois parce que en fait on a une mine d'or entre les mains. Après ça peut très vite devenir un monstre aussi quoi. Donc il va falloir faire attention pour moi à ça. Je dis voilà, soyons positifs. Ouais, 2030, là on est déjà dans une ère où on a des agents qui vont pouvoir travailler à notre place, qui dans la recherche ont permis là ces derniers temps de faire en 48 heures ce que les chercheurs ont mis 10 ans à trouver. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent et ça on se dit c'est génial, c'est-à-dire que on va si on met ça et je mets le parallèle l'ordinateur quantique, je sais pas si vous avez suivi le délire. Google. Pas que non Microsoft. Ah y a pas que Google qui développe. Ouais y a pas que... Enfin de toute façon ils sont tous sur le sujet. Okay. Hein. Mais notamment Microsoft qui a fait une avancée là-dessus parce que l'ordinateur quantique ça fait des années qu'on en parle. Mais concrètement on avait vraiment rien de sérieux parce que il y avait toujours des difficultés à ce que ça fonctionne sur le long terme. Et là a priori Microsoft a fait un bond en avant là-dessus et nous apporte une technologie qui va potentiellement multiplier par puissance 1000 milliards. Oui, c'est un peu ça. On se dit qu'un ordinateur quantique peut faire plus que l'ensemble des ordinateurs de la planète ensemble. Donc ça veut dire que en termes de calcul, si tu mets ça plus l'intelligence artificielle, tu peux arriver à des dingueries en termes notamment de médecine sur la résolution de maladies, des choses qu'on cherche depuis des décennies. Ouais, et même la robotique. Ouais. Moi, je trouve que c'est quand même flippant, quoi. C'est penser que, en fait, selon ton propos, c'est penser que la nature humaine fait toujours assez bien les choses et comment dire, et toujours ça bien ça, ouais. Après il faudra mettre des garde-fous et légaliser c'est ça, hein, ouais. Parce que sinon ça va partir ça. Mais il est là le souci et c'est pour ça que sans faire rentrer dans le vif du sujet de la politique, mais quand on voit ce qui peut se passer aux États-Unis, on peut se dire que en fait ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre cette Exactement. Intelligence artificielle, surtout qu'on le sait que la maîtrise de cette technologie, même si on l'a partout et notamment en Europe, mais on a quand même une prépondérance des États-Unis et de la Chine qui sont quand même deux superpuissances qui sont gérées de façon chaotique, disons-le. Donc voilà, je suis pas sûr qu'actuellement en 2025 on soit encore à se dire on va privilégier l'éthique et on va vraiment se demander ce qu'on va pouvoir faire avec et où ça va aller. On est plutôt dans la compétition de technologie et puis à trouver aussi un système de financement aussi de tout ça. Donc est-ce qu'on aura suffisamment de conscience pour se dire attention, là il va pas falloir qu'on aille trop loin, il va falloir diriger ça comme ça, etc., pour que ça nous apporte que le meilleur. C'est ce que l'Union Européenne fait. Oui, protège, c'est vrai que c'est ce qu'elle veut faire en tout cas. Enfin, c'est ouais. Voilà. C'est ce qu'essaie de faire l'Union Européenne, justement, de mettre des lois pour protéger les données d'utilisateurs, tout ça. Mm-hmm. Mais le problème, c'est qu'on voit que ChatGPT, justement, OpenAI derrière, met la pression sur l'UE. Oui. Pour laisser les accès aux derniers modèles à l'UE, on est toujours les derniers. Bien sûr. Se pose la question de notre compétitivité au niveau mondial. Ouais. Parce que c'est bien de se dire on met des lois pour un petit peu restreindre les choses et puis faire attention à ça, etc. Mais en fait, s'il n'y a que l'Europe qui le fait, le problème qui risque de se passer, c'est qu'on va être à la bourre. Grave. Là, entre Trump et la Chine, on est complètement logique. On est déjà largué. D'être dans la régulation de tout ça. Non, clairement. Ils savent qu'ils ont un avantage. Oui. Les États-Unis et la Chine, d'ailleurs, il y aura une guerre. Est-ce que l'Union Européenne va être dedans ou pas? Si on reste bloqué sur la régulation, je pense que là, c'est foutu. Ouais. Mais du coup, si on régule pas et qu'on se pose la régulation, c'est de l'éthique, voilà. Effectivement, c'est un certain nombre de folies qui sont pas faites. Sans puissance, sans une société, on va dire, productive en termes d'IA dans l'Union Européenne, on peut pas mettre la pression sur le reste du monde parce qu'en fait, on n'a pas de poids, on n'a pas non. de. C'est ça qui me pose un peu problème actuellement. On va aller sur d'autres sujets après, mais c'est que en fait, ok, l'Union européenne veut réguler ça, très bien. Sauf que, comme tu dis, elle a pas forcément le poids pour ça. Et en fait, aujourd'hui, moi, ce que je me rends compte, si elle a le poids pour ça, hein, du moins sur son territoire. Oui, du moins, on peut décider que, et c'est ce qui est décidé, c'est-à-dire que tu peux pas reproduire sur les IA. Je crois que tu peux pas mettre des photos de vraies personnes. Oui. Tu peux pas les modifier ou je sais pas ce que tu peux en faire, etc. Sauf qu'aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a les mêmes outils qu'ailleurs dans le monde, sauf qu'on les a avec 6 mois de retard. C'est ce qui se passe, hein, réellement. Voilà, 6 mois ou un an de retard. Et du coup, vous êtes pour vous? Bah c'est pas que je suis pour la non-régulation, c'est juste qu'en fait, il faudrait qu'il y ait une remise en question sur l'éthique au niveau mondial. Et oui, pas que mais ça la, soit la Chine et les États-Unis, ils n'ont aucune éthique. Ils laissent faire, c'est le commerce. Il n'y a jamais, il y a pas de garde-fous. Et du coup, vision 2030 un peu pessimiste. Si on se dit ça et qu'il n'y aura pas une prise de conscience. Faut à une un harmonisation donné. Mondiale, sinon ça va. Faut une harmonisation mondiale. Faut surtout une puissance européenne face aux États-Unis, face à la Chine, face à la Russie. Et si on reste là, non, mais la régulation, faut réfléchir, faut faire, faut se concerter pendant un an, deux ans pour le faire. Mais en fait, on va toujours être à la ramasse, on sera pas puissant. Ouais. Si on veut que les valeurs européennes justement de défense des droits humains etc. soient mis en avant sur les autres continents, il faut qu'on soit puissant aussi. Ouais, et ça d'accord. Les États-Unis le savent depuis des décennies, c'est aussi pour ça qu'on est fragmenté, qu'il n'y a pas d'une, d'Union européenne en fait, sur plein d'autres, même sur le plan économique. Il y avait un ministre italien qui parlait de ça, comme quoi toute l'épargne européenne part aux États-Unis dans des fonds américains. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'harmonisation en Europe pour la finance, par exemple. Ouais. Donc, il n'y a pas d'harmonisation en Europe. On a une Europe, mais... Et là on se dépêche, justement, on parlait de... J'ai entendu que ça parlait un peu de guerre, justement. Ouais, ouais. Maintenant, on dit, oh là là, les États-Unis ne veulent plus nous aider, tout ça. Il faut qu'on fasse une armée européenne. Oui. Et là, ça pose plein de questions, parce que la Turquie, par exemple, ils veulent intégrer quand même plutôt la Turquie dans cette défense européenne, parce que la Turquie a une armée super puissante. Oui. Sauf qu'en même temps, on voit bien que Erdogan et les droits de l'homme, c'est pas du tout dans la logique européenne. Et là, on voit ce qui se passe en ce moment. Il y a eu l'opposant principal qui a été arrêté. Et là, il n'y a pas un mot sur les plateaux télé, on n'en parle pas. Ouais. Et moi, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas justement cette logique d'armée européenne? On se dit, bon, Erdogan. Ouais. Mais c'est compliqué, les humains, si tu veux. Ce sera un peu fou quand même, alors qu'on n'a jamais voulu qu'ils intègrent l'Union européenne, parce que la France s'est opposée d'ailleurs. Ouais, totalement. Pour des raisons qui peuvent être valables, mais en fait c'est compliqué de rassembler des pays qui ont une histoire, des valeurs, etc. qui sont totalement différents. Donc en fait il y a certains sujets où oui ça peut le faire. Voilà, on s'unit pour la guerre, pourquoi pas. Mais après compliqué d'harmoniser tout ça, donc du coup l'Europe, oui, elle mérite d'exister, mais après de se dire qu'on fait tout ensemble, etc., et qu'on est un super pouvoir face à une Chine qui forcément est unie puisque c'est un seul et même pays, ou face aux États-Unis qui sont plus ou moins, même s'ils ont ils peuvent aussi avoir des valeurs différentes, mais ils sont unis parce qu'ils sont ensemble sur un même territoire. Nous, c'est forcément plus compliqué. Voilà. Bah, c'est plus compliqué, mais le problème c'est que t'as les Allemands, t'as plein d'autres pays qui achètent des missiles américains, des avions de chasse américains, et qui peuvent pas les utiliser si les États-Unis par exemple ne donnent pas leur accord pour une guerre. Non, mais c'est sûr. Et alors qu'on a une industrie allemande, on a une industrie française, on a la Grande-Bretagne qui était dans l'Union européenne jusqu'à il y a quelques années, donc on avait quand même toute l'industrie, tous les cerveaux, etc. D'ailleurs, l'IA, c'est pareil. On a les plus gros cerveaux, ils sont européens. Oui, beaucoup, et puis on a énormément en France. Et pourtant, on a par exemple Mistral en France, qui est quand même une bonne boîte d'IA qui est au même stade actuellement. On est en 2025 et on le dit, mais si on se donne rendez-vous en 2030 pour en parler. Mais à mon avis, malheureusement, ces sociétés-là n'existeront plus, ou alors seront vraiment reléguées à des usages spéciaux. Mais c'est vrai qu'on a ces startups qui font du bon job, et on pourrait être compétitif. On pourrait être compétitif si on avait aussi les moyens de le faire. J'aimerais qu'on ait une vision peut-être un peu moins économique de la chose. Moi, je vais parler d'une chose. Oui, 2030. Vas-y, Patrick. En 2030, là, on va parler en France. C'est pas bientôt, 2030. Moi, il m'inquiète, c'est comment on va être soigné en 2030. Ah, comment on sera soigné en 2030? Alors, toi, c'est quoi ta vision? Et oui, ma vision, c'est qu'on entend de parler, là, aujourd'hui en 2025, on a de plus en plus mal de se faire soigner. ou d'avoir des médecins ou des choses comme ça. La génération de vie de plus en plus fait partie un peu de voilà, et vit très longtemps, tant mieux, super. Mais on entend parler, moi je m'inquiète qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile de se faire soigner. Alors je parle un peu, que je connais une personne très proche de moi qui a beaucoup de difficultés aujourd'hui pour se faire soigner et que malheureusement sa maladie va avancer et qu'elle n'aura peut-être pas tout. Nous en France, alors c'est l'accès aux soins, quoi. C'est les déserts médicaux. Et en 2030, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Parce que là, bon, c'était des beaux sujets, vous avez parlé hein, de l'Europe et tout. Mais je regarde un petit peu aussi chez nous en France. Je suis un peu inquiet là en 2030 parce que c'est vrai qu'il y a eu là on parle de l'Europe et tout. En ce moment la réalité c'est il y a encore des entreprises qui vont fermer. Est-ce que ces gens-là vont pouvoir se soigner, prendre des mutuelles et des choses comme ça? Vous voyez, au fur et à mesure on entend mais que ça. De toute façon ils vont y arriver. De toute façon non mais le sujet je trouve je pense qu'il y a un démantèlement des acquis sociaux qui se fait doucement mais sûrement. Ce que la France arrive à faire par rapport aux Européens, j'avais lu un courrier dans le un article dans Courrier International où les Anglais disaient qu'ils devraient prendre exemple sur les Français parce qu'ils se sont battus et qu'en fait il reste quand même des choses dans ce pays, mais ben, peu à peu ça va être, je pense qu'ils vont y arriver, ça va être démantelé et puis voilà quoi. Et donc avoir une on revient sur le côté économique, mais du coup avoir un système beaucoup plus libéral quoi. Ben, bien sûr que oui, on y tend de toute façon. Je sais pas ce que, mais c'est déjà le cas hein. J'avais lu un article en Ardèche, la plupart des gens, il n'y a pas de médecins, il n'y a plus d'hôpitaux, ils ne se font plus soigner, ils meurent dans l'indifférence générale, même des jeunes. Hein. Tu as une carie, tu ne te la fais plus soigner, là, tu ne peux plus rien faire. Les déserts médicaux sont vraiment une réalité. C'est vrai qu'à part dans les grandes villes, voilà, on prend un rendez-vous chez un spécialiste et 6 mois, 8 mois, 1 an, c'est sûr qu'il y a une disparité au niveau de ça. Après, on a quand même la chance en France encore actuellement d'avoir un système médical où on a des remboursements, où on a plein de choses qui sont... voilà, il ne faut pas le perdre, ça. Clairement, c'est vraiment maintenant devenu territorial, quoi. C'est régional, tout ça. Oui, c'est mais vraiment... le remboursement, par contre, il est national. C'est-à-dire que le remboursement, il est de moins en moins important aussi. Il est de moins en moins important. Il y a de moins en moins de remboursements. Tu te fais pas rembourser, tu te fais pas soigner. Donc. C'est vrai, tu te fais pas soigner. Qu'est-ce qui se passera en 2030? Alors, ok. Alors en 2030, on peut s'essayer à imaginer le futur de la santé qu'on peut voir. Idéal, ça serait quoi en 2030? Idéal, alors ce serait un renversement de cette logique marchande qu'il y a pour l'IA et aussi pour la santé et pour tout ce qui est le bien-être humain, y compris l'accompagnement dans la maladie. Je pense que ça, c'est vraiment des sujets extrêmement importants qu'on oublie en fait dans les débats actuels parce qu'on parle de guerre et puis là, la guerre, alors là, on a Macron qui veut nous parler du risque de guerre avec la Russie alors que la Russie n'a pas encore atteint son objectif avec l'Ukraine ou quoi, mais là on est déjà à défendre les frontières françaises presque. On montre les dents quoi. Et voilà. Et par contre la réalité de la santé, ça c'est quand même des millions de personnes qui sont dans la souffrance, qui sont dans les maladies, qui n'ont pas accès aux mutuelles parce que maintenant on parle des mutuelles qui augmentent leurs tarifs et en effet c'est impossible d'être soigné quand on a une maladie sans juste avec la sécurité sociale. Et ça c'est une réalité, mais ça c'est pas une réalité business, c'est pas une réalité qui fait rêver à l'étranger ou je sais pas. Non, et ça, on en parle pas. On parlait tout à l'heure, il y a 5 minutes, des jeux de société. Et en 2030, est-ce qu'on sera toujours encore à faire du lien social à discuter? Ah, j'espère, oui. Mais moi, aujourd'hui, moi, je vois, après, je peux me tromper, ça me fait peur. Oui, ça me fait peur parce que, fur et à mesure, maintenant, on n'a plus de caissière, on n'a plus de banquier, on n'a plus Mais de. Mais est-ce que le propre de l'homme, c'est pas d'être de vivre en société? En 2030, je pense qu'on est. Comme vous parlez un peu plus, alors moi je suis plus dans ce monde, mais c'est le pouvoir, c'est l'achat, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Et on en et en 2030, ben et ça va vite aujourd'hui, je trouve que de plus en plus. Je dis en un an de temps, moi qui est maintenant non actif, je dis oh là là, brave. Je vois pour ouvrir un dossier de retraite, mais je vous dis pas. Ah bah l'administration française. Ça. Heureusement. Ça c'est traditionnel. Et en 2030, ça va être encore bien pire. Parce que moi j'ai encore un peu, je peux faire de la promotion, mais il y a encore France Service. Mais en 2030, peut-être qu'en 2030, France Service, ça va être bouclé parce que ça coûte cher, ce machin. Et sur ordinateur, boulot. Et c'est ça, moi, qui me fait peur. Je pense que ça va tellement vite. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais on pourrait très bien imaginer que, en fait, les démarches administratives en ligne ou pas en ligne d'ailleurs, mais soient facilitées parce qu'on a décidé de vraiment s'attarder sur le problème et se dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a plein de choses qui sont inutiles et qui sont trop compliquées à faire et qu'on a pris le problème à bras le corps et qu'on facilite les choses. On peut très bien avoir cette vision positive. Mais au lieu d'être face à une IA, franchement, moi je trouve qu'avant, t'allais à la Sécu, t'étais face à une personne, à te régler ton dossier, mais ça, maintenant c'est toi qui te connectes. Malheureusement, c'est toi qui ça, je pense qu'il faut l'oublier, le gars à la Sécu. Ouais. J'aimerais qu'on laisse la vie aux autres. Brigitte ? Au micro ? Brigitte ? Non, mais quoi ? T'as rien à dire sur 2030, tu vois pas comment. Bon, et ben on va demander à Cédric alors. Cédric qui vient d'arriver. Bonsoir Cédric. Ah, on t'entend pas, le micro est coupé, non ? Voilà, c'est mieux. Mieux. Oui, c'est mieux. D'accord. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Cédric 2030, offre-nous s'il te plaît une version positive du monde. Il va nous faire une dépression. Bah non, mais à chaque fois on se dit, ah ouais, ça va être positif. Ah, on va tous mourir. Bon, vas-y, dis-nous. Non, mais après, de toute façon, en fait, je pense que. J'imagine qu'il y a plein d'époques comme ça, mais on a l'impression, peut-être pour notre génération, qu'on est à une croisée des chemins. On voit que. On pourrait imaginer une version très pessimiste, là, comme je l'ai beaucoup entendu, et c'est vrai que sur certains aspects, bon. Mais on peut faire l'exercice inverse et essayer de voir ce qu'on voudrait aller. Hein. C'est d'ailleurs, je pense, personnellement, voilà, je suis quelqu'un de gauche, donc en fait, souvent, il ne faut pas tomber dans l'écueil d'être en réaction à un récit de droite, mais essayer d'aussi inventer un récit désirable. Mm-hmm. On peut essayer de faire cet exercice. Donc là, par exemple, on parlait de la santé. Oui, c'est quoi, toi, ta vision? Qu'est-ce que tu aimerais en 2030? Je pense qu'on en a pris un peu conscience avec le Covid, là où on a un peu réoublié, mais c'est important, cette décertification, l'impact que ça a sur ce qui a été décrit, et refaire un peu une sorte de deal comme ça a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 70 ans, quand on a fait des larges investissements pour construire des hôpitaux, pour former du personnel, payer correctement du personnel, en fait remettre de l'argent sur la table pour ça. Donc en fait on peut rêver et on peut continuer de se battre pour que ça arrive, en fait, remettre de l'argent sur la table pour ça, pour que peut-être qu'effectivement il restera une inégalité entre des territoires qui sont très dépeuplés et des zones plus urbaines, mais qu'au moins on arrive à payer correctement du personnel, qu'il soit plus en mal-être quand il... C'est vrai que c'est des choix politiques, ça, en fait. C'est complètement des choix politiques. On l'a fait et ça reste quand même quelque chose qui aujourd'hui est d'actualité, ouais. Et plus que jamais. Donc, et ça a été un investissement gagnant. Ouais, bien sûr. À l'époque, on a eu plusieurs générations de personnes qui ont été en bonne santé. Oui, augmentation de l'espérance de vie. Oui, mais c'est venu après une guerre, ça. Est-ce qu'il faut une troisième guerre mondiale pour qu'on ait une prise de conscience et qu'on se dise il a fallu des syndicats extrêmement forts et des travailleurs pour pouvoir imposer ça. C'était un rapport de force. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement de droite. Comment on fait avec un gouvernement? Et puis, en 2000, je pense que si en 2030, on va donner un peu quand même. Moi qui ai un peu une génération un peu déjà, j'ai 60 ans, mais il y a 10 ans, quand j'ai eu mon cancer. On sait pas trop. Et peut-être qu'en 2030, les avancées. Ah, qu'on aura trouvé des solutions. Hein. On va trouver des solutions pour des maladies, qu'on arrive à faire des belles choses. Et là aussi, c'est bravo aussi. C'est beau. La médecine, moi, je reviens un peu d'une personne que je connais très bien. Quand son cas était. Prenez suivi vital, on m'a été engagé, on m'a dit on va tout faire. Et le médecin m'a dit, vous savez, cette personne-là, il y a eu 10 ans en moins, c'était fini. aujourd'hui on va la sauver. On va essayer de mettre en place. Ouais, c'est-à-dire qu'on voit quand même que il y a des avancées. Il y a une avancée terrible quand même dans le soin. Alors aussi qu'en 2030, alors moi je parle beaucoup de médical. Bah, c'est ça, on espère que ça continue d'évoluer. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, globalement, c'est défendre l'existant, voire l'améliorer. Parce que, et après, effectivement, continuer à poursuivre ce progrès qui est assez fantastique, qui permet de sauver des gens. Sans faire du méchant, mais on voit le Téléthon. Qu'est-ce qu'ils ont apporté tous ces pour ces enfants quand même aujourd'hui où je vois moi la personne que je connais très bien qui a eu cet AVC tout, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre aujourd'hui il y aurait eu 10 ans en arrière c'était fini il n'y aurait pas eu tous ces soins. Mais la science avance, après il faut que cette avancée bénéficie à tout le monde. C'est l'accès aux soins est au moins aussi important que les avancées sur les différentes maladies. Et puis et aussi mieux travailler sur cette question d'inconditionnalité, en fait, que ce soit beaucoup plus simple d'aller se soigner, défendre ce système de peut-être pas de gratuité, mais en tout cas de redistribution, où en fait voilà, aller se soigner, c'est quelque chose où globalement voilà, on n'a pas besoin de voilà, c'est un droit qui soit accessible pour tout le monde. Ça c'est une belle chose à défendre. Pour l'instant, là, j'entendais là sur la, on est encore un des rares pays où c'est le public qui tient tout ça, c'est bousculé par le privé parce que on lui a donné plus de place pour plein de raisons bonnes et mauvaises, mais en tout cas clairement continue de le défendre, le renforcer pour que ça continue d'exister, ce que beaucoup de gens nous envient. C'est pas parfait, mais ça vaut le coup de continuer de se battre pour. Donc clairement on peut et puis même si c'est un peu bousculé, on se rend compte que même la droite a du mal à tirer dessus, parce qu'en fait elle se rend bien compte qu'à certains moments ils sont bien contents de l'avoir. Oui, et puis c'est important, on parle de la santé des concitoyens, donc à un moment donné si on veut continuer de produire, si on veut continuer de créer des entreprises, de l'argent, etc., il faut des gens qui soient en forme pour le faire, quoi. Ouais, même des gens pragmatiques et cyniques ont compris qu'un bon travailleur, c'est un travailleur un minimum en bonne santé. Qui va pas peser trop lourd en tant que retraité, donc il va pas mourir trop tard non plus, mais quand même qui doit être en forme suffisamment longtemps jusqu'à la retraite, qui en plus l'âge augmente, faut qu'il soit en forme jusqu'à 70 ans, donc faut l'entretenir. Je pense qu'il faut aussi se réveiller que en 2030 on a besoin encore de vous. Parce qu'il y aura de plus en plus de plus jeunes, et leur donner la chance aussi à tout le monde de donner ses chances d'apporter. Pierre à l'édifice. Du travail. Il faut investir. Il faut que nos politiques, sans faire de droite ni gauche et tout ça, sachent un jour, mais il va falloir commencer à y penser. Parce que là, on ferme, fermer des boîtes, ok, mais demain, il y a un moment, il n'y a plus personne. Il va falloir trouver. Ça, c'est tout trouvé, surtout qu'en fait, on est en changement de. On en parle, le ralentissement de la natalité. On sait qu'il y a de moins en moins d'enfants. Oui. Donc ça veut dire que la population vieillit. Et en fait, c'est quelque chose. Le privé l'a déjà bien compris. Parce que c'est un marché, le marché du troisième âge. Mais il y a ce. Va revaloriser en fait le social. Oui, et le partage. Une entreprise ou tout ça, s'ils veulent qu'elle continue, il faut que la nouvelle génération avec l'ancienne se partage. Il faut qu'en 2030, ils y pensent aussi. Ouais. Parce qu'en 2030, tout le monde va partir, mais c'est pas la machine qui va tout faire. Ah ça on sait pas, mais... Mais je le souhaite pas, moi je veux pas que c'est la machine. Oui. Je veux pas, je voudrais que c'est quand même l'être humain, parce que Même si les choses vont très très vite, je pense que on peut imaginer un 2100, mais un 2030, on va encore avoir beaucoup besoin de bras. Donc clairement... Il y aura encore des travailleurs en 2030. On sera pas à la retraite tout de suite. Jean, ton quotidien en 2030 par rapport à celui de 2025, qu'est-ce que tu vois comme évolution? C'est bon. Très bien. On a des problèmes. 2030, déjà il y aura des élections présidentielles d'ici là. Oui. Donc ça peut basculer sur beaucoup de choses. C'est vrai. Mais ça, c'est un facteur vraiment point d'interrogation. Point d'interrogation, 2030, on parlait déjà de l'IA, alors Moi, l'IA, ça me fait un peu penser à Matrix, hein, de tout laisser sur la machine pour réfléchir un peu à notre place. Mais sinon, au niveau des progrès technologiques, santé, ça va être monstrueux, ça va être super bien. Mine de rien, c'est une aide. Après, ça dépend ce qu'on en fait. C'est comme l'apparition d'Internet où on disait ça va être une bombe atomique et puis maintenant tout le monde l'utilise. Ça dépend ce qu'on en oui, fait. Oui, mais tu vois, par exemple, à Internet, on disait aussi à l'époque que ça allait permettre, ce qui est vrai dans un certain sens, hein, mais qu'elle allait permettre que toutes les personnes accèdent au savoir et du coup qu'on allait tous être hyper cultivés et savoir tout sur tout. Ah bah ouais, non mais complet. Et voilà, puis, 10 ans plus tard, on se dit, bah, en fait, on regarde des vidéos de chat la plupart du temps. Non mais c'est ça, ça dépend ce qu'on en fait, ça dépend ce qu'on regarde, ça dépend ce qu'on cherche, etc. Ouais. Donc ça, c'était le point de vue technologique. Après, environnemental, on essaye de faire mieux, mais écologie, hein, je parle, on essaye de faire mieux, mais d'ici là, tous les 5 ans, on augmente de 4 degrés, je crois, au niveau mondial. Ah, et puis dès qu'il y a, c'est un autre facteur aussi. Dès qu'il y a un petit truc qui est plus important, on va se dire, bon, on verra dans 5 ans l'écologie. Ouais, quoi, ouais, tu vois, on décale le problème, mais de toute façon, il est plus ou moins acté. Voilà, il y a tellement de sujets, tellement de choses à voir, à être cité, les énergies fossiles. Franchement, je n'ai pas trop d'avis à part attendre. On refait un débrief dans 5 ans, on va voir où on en est. On en est parce qu'il y a tellement de sujets en ce moment. Ouais. L'IA, les élections de Donald Trump, l'Ukraine en ce moment. Ouais. Après, ça peut aller tellement vite en plus. Il y a trop de choses d'un coup en fait. Ouais. Là, il y a une espèce de marmite en ébullition totale. C'est vrai. Totale. Qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de gros sujets en ce moment. Et puis tout à l'heure, on parlait du Covid. C'est vrai que ce sont des choses qui sont arrivées tellement vite. Délinquance qui augmente. Là, à Saint-Pierre-des-Corps, il y a eu 14 bagnoles de brûlées parce que règlement de compte, on se croirait aux States, quoi. Donc, mais ça c'est déjà arrivé, ça. Non, ça j'ai pas envie d'être pessimiste sur la question parce que sinon autant se mettre une balle dans la tête. Ah mais tu peux être optimiste, hein. Il y a des gens qui sont dehors avec des machettes maintenant. En France, on n'avait jamais vu ça. C'est quoi même. Cette histoire non, des machettes c'est parce qu'ils veulent couper du bois, Lisa. Est-ce que c'est la mexicanisation de la France, comme dirait Bruno Retailleau? Moi, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de... Là, Patrick parlait au niveau déjà français, mais déjà, faudrait qu'on arrive à récupérer la dette, déjà, pour commencer. Elle est récupérable, la dette. Comment ? Tu la récupéreras jamais, la dette. Ah, moi, non. En piochant dans tes économies. On a chacun notre... 30 000 euros, 40 000. Après, oui, il y aura du progrès, il y aura toujours la technologie. Après, c'est avoir accès à tout ça. C'est pareil. Ouais, c'est... Là, il y a l'inflation. Là, c'est encore des sujets un peu moroses, mais... À l'heure actuelle des choses, j'ai du mal à me projeter sur un mieux. Ouais. J'aimerais que pour 2030 ou même au-delà, c'est que en fait toutes ces technologies, on parlait tout à l'heure de la médecine, on a parlé de l'IA, on a parlé de tout ça. J'aimerais que ça puisse bénéficier, en fait, que ça tienne un peu ses promesses, c'est-à-dire que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Parce que pareil, si on fait le parallèle avec la médecine de tout à l'heure, l'IA, on se dit ouais c'est génial, ça veut dire que tout le monde va pouvoir accéder à la même information, pouvoir rédiger la même chose, et en fait. Très rapidement, dans les 6 mois après l'existence de tout ça, on se rend compte que déjà aujourd'hui, on est sur un fossé qui se creuse de plus en plus entre ceux qui savent faire et ceux qui ne savent pas faire. Et donc, en fait, les personnes qui étaient déjà... Ceux qui savent faire et qui savent maîtriser. Se servir de l'IA. Bon, franchement, ça, ils peuvent apprendre. Le plus compliqué dans l'histoire, c'est ceux qui réfléchissent plus du tout qui se livrent totalement... Il y a un vrai sujet d'écart sociaux quand même. Non mais cognitivement, ça va être terrible. Et de formation. Ouais. Comment ? Y a quand même... Ah. Moi j'ai un exemple avec dessus, ça, François, c'est flippant. Hein. Il y a quand même des différences d'écart sociaux qui expliquent justement quand tu as parlé de Wikipédia il y a combien ? 15 ans, 20 ans ? Oh ouais, ça a 25 ans même. Voilà, peut-être. On s'imaginait que tout le monde, ça allait diminuer ces inégalités parce que tout le monde aurait accès finalement à une librairie en ligne, enfin une documentation qui serait à peu près la même. Ouais. Mais en fait, les écarts sociaux font ça. Parce qu'il y a aussi les gens qui sont dans des types de travail où justement ils sont dans les technologies, ils ont le temps d'apprendre. Mmh. Et puis il y a aussi les personnes qui vont travailler à l'usine, qui vont faire des travaux pénibles et qui vont pas avoir envie en fait de se dire comment faire d'amusant, enfin d'intéressant non, plutôt mais avec déconner, l'IA. Olivier, et ils vont faire des trucs. voilà, tout le monde peut le faire. Le mec qui travaille, taper sur Jimmy. Tu peux, mais est-ce que t'as envie Ils sont crevés, les mecs qui travaillent en ligne. Non, mais faut arrêter. Le vrai problème qu'il y a. Il y a aussi une réalité sociale. Le vrai problème qu'il y a, c'est celui qui se posera plus de questions, effectivement, et qui prendra la décision. Mais parce qu'on fait tout pour abrutir. Bon, alors tu peux. Touche pas à mon poste est fermé maintenant, mais voilà. Il y en a d'autres. Il y a de l'argent pour abrutir les masses et leur donner. Cette mais passivité tu peux effectivement, je te rejoins François sur le fait que ça, ton appli sur le téléphone, tu peux l'avoir. Ok. Mais cela dit, il y a quand même l'accessibilité à ça et la prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, si tu regardes très concrètement, ceux qui vont utiliser l'IA, ce sont déjà les gens les plus instruits. Et donc là, tu te dis, il y a un problème, puisque en fait, normalement, ça devrait permettre. Il y a une étude là-dessus. Il y a une donnée. Bien sûr, il y a des données là-dessus, bien sûr. Bon. En France, t'as encore des zones blanches et t'as encore des zones où t'as à peine Internet aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais je parle même pas de ça parce que. Il faut avoir un ordinateur, faut avoir. Il faut avoir un téléphone. Un téléphone, oui. Mais tout le monde n'a pas un téléphone qui permet d'aller. J'entends, Lisa, mais il y a. Ok. Yeah. Mais celui qui n'a pas un smartphone aujourd'hui, ça représente, allez, j'ai pas les chiffres, mais 8% de la population, tu vois. Donc ça veut dire que t'as 92% de la population qui peut avoir accès. Mais c'est pas parce que tu y as accès que tu connais, comment tu sais, est-ce que tu sais l'utiliser. Et tu vois, je prends un truc tout bête, tu veux formaliser un texte pour, je sais pas, t'as besoin de te défendre ou autre chose. Quelqu'un qui a déjà une petite maîtrise et qui du coup connaît ces outils-là, il va l'utiliser comme un outil et ça va lui permettre d'aller encore plus loin et de faire les choses encore mieux. Mais celui qui n'est pas instruit et qui ne sait pas faire dès le départ, il ne va pas prendre en main l'outil. Et il ne va pas l'utiliser oui, et arriver ça, au même ça résultat. Ça évoque beaucoup la classe sociale, ouais. Ça. Tu t'auto-censures quand tu n'as qu'un CAP et tu te dis c'est pas Est-ce pour que moi. Est-ce que c'est l'auto-censure et... J'en suis pas sûr, hein. Par exemple, si les classes sociales, ça fait beaucoup, ça joue beaucoup sur ton utilisation de tel ou tel outil. Ah, mais du coup, c'est quoi la solution, quoi ? Après, ne serait-ce là pour aller dans ce sens, hein, ne serait-ce que dans le fait que d'avoir un métier qui soit compatible avec l'usage qu'on pourrait avoir de ce produit-là. Enfin, je veux dire, une personne effective. Et de l'équipement informatique. Mais en fait, après, par contre, là, dans ce qui est dit, peut-être un complément, parce que il y a on est tous bénéficiaires. Actuellement de ces technologies-là parce qu'en fait on vit dans un monde où c'est maintenant omniprésent. Enfin, toutes les technologies qu'on utilise, on parlait des téléphones mais de manière générale, la ville, les services de l'eau, les services de l'électricité, les services sociaux, tout ça utilise en fait ces technologies maintenant pour traiter de l'information, pour optimiser les systèmes, et donc on est de toute façon déjà bénéficiaire de ça passivement. Parce que c'est intégré au système. Donc et au final c'est ce qui est vu que c'est du service public en fait voilà enfin c'est ce qui fait que même s'il va y avoir ces petites choses mais qui sont peut-être pas tant à la marge mais on va dire qu'ils sont des trucs très individuels et qui ont je suis pas en fait ce serait intéressant de mesurer la portée de ces choses là parce qu'en fait sauf si on est un investisseur qui crée vraiment quelque chose de nouveau et qui va avoir d'un seul coup un énorme boom, c'est des petites choses individuelles qui nous aident dans les notages du quotidien qui peuvent peut-être avoir un impact. De quoi c'est quoi les petites choses pour toi? C'est voilà, on parlait par exemple d'optimiser un texte voilà, enfin oui, certes, très bien, mais est-ce que ça va changer la manière dont on va travailler? Je suis pas sûr. Pour moi, si, et même pas que travailler, c'est-à-dire que je te prends un exemple très concret. Tu veux écrire parce que en plus ça me fait penser à un cas concret, mais tu veux écrire un courrier à ton avocat, d'accord? Tu sais le faire. Ok, naturellement, tu sais le faire. Donc, en fait, tu vas dire, moi, tiens, je vais utiliser l'IA pour que mon courrier ait encore plus de gueule et que ça soit encore mieux. Parce que tu sais très bien que ton avocat ou pour défendre un dossier, ça va se baser en grande partie sur le dossier que tu auras fourni et sur le texte que tu auras fourni. À côté de ça, tu as une personne qui, de base, a autant raison, autant tort que toi, mais ne sait pas manier ces outils-là et, en plus, ne maîtrise pas forcément la façon de le faire. Du coup, il va se créer en fait un fossé encore plus important entre ces deux personnes-là. Qui est pas. Pardon, Yann, je suis obligé de te couper. Non, mais dis-moi, dis-moi. Ce que je veux dire, qui est pas flagrant, quoi. Enfin. Est-ce que ça conditionne pas le jugement final, tu vois, ça? Le fait. Donc en gros, si je résume le truc, c'est que celui que l'écart sera fait du fait que l'autre saura déjà. On saura un peu plus, donc aura déjà une base qui est forte. En fait, c'est ça ? Non, en fait, de base, t'as deux personnes qui ont des niveaux de connaissances sur différents. T'es avant l'ère de l'IA, d'accord ? Tu te présentes un courrier fait avec ces deux personnes-là. Le juge, face à une même situation, peut donner une faveur sur la personne qui a le mieux préparé, fait son dossier, qui donc va lui bénéficier, contrairement à l'autre personne. Et là, du coup, avec ça, en fait, ça ne fait que renforcer la position de leader de celui qui maîtrise déjà. Et l'autre personne, elle va se retrouver encore plus à la ramasse, si tu veux, là-dessus, pour la décision finale. Et ça, je fais ça sur cet exemple-là, mais dans le monde du travail, c'est la même chose. Allez. Entre celui qui maîtrise ces outils-là et celui qui ne les maîtrise pas, il se crée de plus en plus un fossé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et malheureusement, en 2030, il y aura un écart terrible de ça. Parce que tout le monde n'aura pas la facilité, comme tu dis, de ça. Et pris le train en marche, quoi, aussi. Et puis comme le aujourd'hui, malheureusement, peut-être que ça va assez, c'est toujours l'argent, enfin le bénéfice, on y va. Et le pauvre qui peut pas prendre le train parce qu'il a des difficultés. Moi, j'ai connu ce monde de démarrer dans une. Moi, j'ai travaillé 42 ans dans la même entreprise. Alors, ouais. Que j'ai connu et t'as vu l'entreprise changer. J'ai connu comme toutes ces générations. Moi, je suis un peu dans le social toujours, mais moi, j'ai eu cette chance de partir un petit peu avant. Mais là, j'ai des collègues là qui, malheureusement, au mois de décembre, enfin, ils sont finis. Il leur reste 5 ans à finir. Ils ont connu que l'entreprise où j'ai travaillé. Ouais. Ils sont sur le carreau. Ah, compliqué, surtout quand parce que ils n'ont pas eu des outils, ils n'ont pas eu pris. Aujourd'hui, vous êtes. Moi, j'ai eu cette fille au téléphone. On peut pas vous prendre. Il va falloir vous former, ça va coûter. Et on les met sur le carreau. C'est une liquidation judiciaire ? Non, l'entreprise, oui. Je veux dire. Non, c'est on ferme l'usine, le site. Le site. Le site est fermé. Un peu malheureusement qu'il comme Thiaï Automobile. Ouais, moi j'ai connu c'était l'automobile. Ouais. Et là il y a encore 165 sur le carreau. Je pense que dans les 165 dans les carreaux, il y en a peut-être pas mal qui vont être vraiment sur le carreau et qu'on va pas voir. Ça c'est un vrai sujet. Après, mais c'est vrai que pour globaliser ça, on va devenir de plus en plus. Ouais. Après il y a quand même des instruments en France où j'en parle parce que je l'ai vu cette semaine, des boîtes qui ferment, t'as des contrats de sécurisation professionnelle avec Pôle emploi. Ouais. Alors c'est pas... Ouais, mais bon, on peut t'aider quand même pendant un an et tu touches c'est histoire de te faire tenir pendant les 5 ans qui te restent. Ouais. Et voilà, dans la précarité, dans les rendez-vous, c'est compliqué. Je suis un peu d'accord avec toi. Ouais. Tu vois, heureusement. Laisse parler Cédric. Jean, tu voulais intervenir. Non, mais là-dessus, ça pose déjà une autre question. En fait, ça ramène par rapport aux questions des retraites. En fait, quand on certes faire travailler des gens longtemps, on peut toujours avoir ce débat et en discuter. Mais encore faut-il en fait déjà que les gens soient pas cassés, qu'il y ait du travail et qu'effectivement les entreprises soient aussi aptes à les réintégrer. Et qu'ils veuillent le faire. Voilà, quand on dit que. Voilà. Et globalement, si on considère qu'à aller 5 ans, là on dit qu'il lui reste 4-5 ans, donc là ils ont une 57, 58, c'est ça. Donc si on considère que de toute façon ils sont déjà finis, et parce qu'en gros, globalement, on est censé les remettre à la retraite dans 3 ans. Et vous savez que malheureusement, cette chose, elle est budgétée. Oui. Elle est budgétée. On va cette année, on va fermer le temps, c'est budgété. Moi, quand ils m'ont fait, je veux pas de honte, ils m'ont fait un chèque. Je sais rien. Oui, ça leur coûte moins cher de. Ça leur coûte aujourd'hui. Et là, je suis à France Travail en attendant ma retraite. Et puis France Travail, quand j'arrive, on vous donne 1100 euros par mois et vous fermez votre clairon. Et j'ai travaillé. Et ça te pousse jusqu'à la retraite. Ouais. Ah ouais. Un peu le truc. Non mais bien sûr, il y a une vraie difficulté. J'avais pas tout ça. Ouais. Alors moi j'ai cette chance encore un petit peu. Parce que les cinquantenaires, ils vont connaître beaucoup de périodes de chômage, les quarantenaires encore plus. Ouais, non, mais c'est compliqué de se réinventer, surtout à 60 ans, et qu'en plus, ouais, on nous fait travailler de plus en plus tard, mais en même temps, il n'y a pas forcément de choses qui sont mises derrière pour réintégrer des personnes qui ont 55-60 ans. Jean, tu voulais dire quelque chose ? Oui, bah pour rebondir sur Cédric et Patrick. On parlait tout à l'heure des avantages sociaux qu'avait la France, et puis justement, ça c'est typiquement l'exemple qui arrivera de plus en plus, que ce soit de la délocalisation ou des fermetures d'usines. Voilà, donc typiquement le profil de la cinquantenaire qui est inemployable du fait que, on peut dire budgétisé dans le sens, elle va me coûter 5 ans et elle va me rapporter quoi, 1 an? Parce que maintenant c'est ça, des profils, on peut même les numériser, enfin bref, c'est tout un truc. Et tu parlais du chômage qui a été sabré aussi au fur et à mesure des années, hein, parce que maintenant on est à 54% du brut, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. 57, bah, tu vois, j'étais pas loin avant, c'était 80, parce et que au justement. Au 1er avril, t'as 30 jours et plus les 31, c'est plus calendaire ouais, en entier, voilà, t'as un jour en moins. Sans déconner. Alors, bien sûr. Pas, ça sabre tous les acteurs. Ça a sabré, parce que. J'ai le droit à 800 jours. Parce que j'écoute. Depuis l'âge de 16 ans à aujourd'hui, j'ai toujours cotisé. Donc on allonge la retraite, on diminue le chômage parce que soit il y a des gens qui ont profité ou X ou Y raison, je vais pas rentrer là-dedans. Moi j'ai connu, je parle des profils de personnes que j'ai entendues. Moi je vais travailler 6 mois en intérim pour avoir 1 an et demi de chômage. Non, bah je vais faire ça à répétition. Ouais, ça avant, ça marchait. Avant, ça marchait. Non, ah, si, il fallait faire son quota d'heure. Non, ce que je veux dire, c'est que ça marche pas globalement si, pour le système. C'est, oui, ah non, mais ça marche. Quand je parle de profiteurs ou profiteuses, peu importe, ça existe. Oui, mais ça représente combien de pourcents de la population? Je dis pas que c'est à cause de ça que le chômage a diminué. Mais ça, c'est les exemples qui sont utilisés pour sabrer. Enfin, c'est peanuts. Dans quel emploi? Parce qu'après, les employeurs vont se réembaucher quand ils voient une période de chômage, déjà, tu te fais. Quand ils voient une période de chômage, ils vont te dire décrivez-moi pourquoi vous avez une période de chômage. Les droits à la retraite, si tu. J'ai pas dit que c'était que le facteur, voilà, c'est un exemple. Voilà, enfin, c'est quelque chose qui compte assez peu dans les caisses. Ouais. Mais toujours est-il que. C'est une réalité aussi, remarque. Un petit peu là. En 2030, moi, j'étais en fin de carrière, enfin, je suis en fin de carrière, je prends vraiment mon exemple. Il y a 3 semaines, France Travail m'appelle. Bonjour Monsieur Rouet, bonjour. Vous avez un entretien et tout. D'accord. C'est pour votre reconversion. En quoi vas-tu te reconvertir? Ma reconversion. Ouais. Alors, très gentille la jeune fille. Hein. Elle me dit, vous savez, c'est obligé, sinon on enlève vos droits. Oui. Mais ils le savent au fond que c'est. Mais vraiment, ils le savent. Mais je dis, ok, mademoiselle, il n'y a pas de problème, mais est-ce que vous avez mon dossier, ma carrière? Ah non. Mais qu'est-ce que vous voulez en reconversion? Alors, c'était un petit. Là, c'est une anecdote, j'ai rien donné. Vous savez, ma reconversion, vous me dites à quelle heure j'ai le droit d'aller faire ma sieste et à quelle heure je peux me lever, moi, de ma sieste. Là, ça va très bien. J'ai ma reconversion. Donner à des gens, à des jeunes ou à des gens qui actifs, une formation pour avancer pour 2030. Ouais, mais ils sont obligés. C'est pas un mec comme moi à 60 ans. Ils sont obligés ils sont obligés de faire quelque chose. Il y a des problèmes quand même. Mais Patrick, on le sait, ça en insertion. Hein. On sait que nous, on a. RGPD, je vais pas dire de nom, mais nous, on a reçu un monsieur hier, il est arrivé, tu sais très bien, on l'a rentré dans le dispositif pour. On fait de l'accompagnement entrepreneurial. Il savait pas trop où le mettre. En plus, il a fermé sa. Enfin, il est rentré dans l'accompagnement, il avait fermé sa boîte. Enfin, il n'y a rien à comprendre. Et il a 57 ans et ils savent très bien qu'ils vont pas l'emmerder, quoi, parce que voilà. Alors la fille, elle m'a dit, après la jeune fille, elle m'a dit, excusez-moi, elle me dit, c'est bon, moi je vais en parler à votre conseiller, on va plus vous emmerder. J'ai dit oui. Passez cette main, et c'est ça. Ouais, il vaut mieux mettre ces outils qu'ils sont en train de mettre. Pour avancer pour 2030. Bien sûr. Je pense qu'ils en sont conscients. Et effectivement, c'est juste que tu fais partie du panel de demandeurs d'emploi. Donc, du coup, en fait, ils sont dans l'obligation de te proposer une idée de formation, de reconversion, etc. Mais ça se dégrade de plus en plus. Il faut mettre de la formation au niveau des gens, au niveau de la classe aussi. Ouais, mais y a aucun investissement. Et voilà. Moi, je fais un peu partie de la génération. Ben, l'informatique est arrivée, le téléphone, les choses comme ça. Et à la fin, j'étais à la ramasse. Et j'étais au placard. Et est-ce que tu as bénéficié, ça c'est intéressant, est-ce que tu as bénéficié dans ta carrière, parce que tu dis il y a des personnes qui se retrouvent à ton âge, ils sont licenciés, ils ont fait qu'un job, une entreprise, et du coup compliqué pour eux de se reconvertir et compliqué pour eux de retrouver dans un nouvel emploi. Est-ce que dans ta carrière tu as bénéficié de toutes ces avancées technologiques en termes de formation? Est-ce que tu as eu des formations? Alors, j'en ai eu un peu. Ouais. Alors, et là, c'est vrai qu'aussi, il ne faut pas non plus mettre. Aujourd'hui, maintenant, on peut aller faire un bilan de compétences. Oui. Ça existait. Ouais, non, mais moi, j'ai pas. Moi, j'ai c'est ces choses qui arrivaient sur le marché. Moi, j'ai vu arriver tout ça. J'ai pu faire un bilan de compétences. On appelait ça, on cotisait. Le compte CPF. Le CPF, ouais. Le CIF, le DIF. Ou le DIF, ouais. J'ai fait des formations. Ouais. J'ai eu cette chance. Là aussi, j'étais au Greta. J'ai fait des formations, Greta. Mmh. Vous voyez que et les entreprises jouaient un peu le jeu parce qu'elles savaient que si j'allais faire cette formation, pouvaient leur apporter. On avait cette chance aussi. Tu leur apportes de la valeur ajoutée, ouais, mais ça veut dire j'avais aussi un mentor à cette époque. Okay. Il y avait une culture aussi dans les entreprises un peu. Sans, ils prenaient un peu. Alors, j'aime pas dire. Ils m'ont pris de la base. Moi, je connais tout. Et ils essayaient d'apporter avec de la formation, avec des choses comme ça. Alors j'ai connu un peu ça aussi. D'accord. Donc, l'employeur a une obligation de former ses employés. Mais alors, il y a la formation bête, qui se trouve, la formation. Alors, vous allez faire la formation des sangles. Ah oui, c'était très spécifique ça pour le coup. Ouais, je suis dans un bureau aux achats pour des outillages. Ouais. Je vais faire une formation de sangles. Oui, mais c'est budgété, Patrick. Alors si tu vas pas, mais au moins tu sais manier une sangle après. C'est-à-dire que si tu veux te reconvertir, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme nous, on a démarré notre carrière et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de formations. Il y a quand même. Mais ça, c'est hyper important parce qu'on nous demande. En 2030, il y a encore des. Je souhaite, et ça, je le souhaite, que ça existe encore et que on mettra les moyens. Mais il faut parce qu'on nous demande de changer au gré des avancées technologiques, etc., de changer de métier, de changer de boîte. Donc en fait, si on n'a pas, si on n'est pas tout le temps en formation, finalement, après, on se retrouve à la ramasse et on n'est plus embauchable. Donc on a tout intérêt effectivement à se former au fur et à mesure. On piocherait pas un petit papier pour la suite? Ouais, très bien. Bon, j'avais encore un truc à dire pour 2030. Vas-y. Que je trouvais que c'était de plus en plus grave. non, mais en fait, il y a un phénomène. Il y a un politologue que j'aime beaucoup qui s'appelle Clément Viktorovitch et qui parlait de l'ère de la post-vérité. Qu'est-ce que c'est ? Et en fait, selon. Tu l'as vu ça ? Non. Et en fait, il est de gauche, lui, déjà, non ? Je sais pas si c'est. Centre-gauche. Il est centre-gauche. Centre-gauche. Ouais, centre-gauche. Très bien. Non, il est plutôt de gauche, mais c'est pas. Je pense qu'il doit être dans un truc. On me dit à côté gauche caviar. Bon, non. Ça n'existe plus la gauche en France quand même. Avant, on a eu une vraie gauche. Mais si, il existe la gauche. C'est un mélange. Bon. Bref, oui, tu nous disais, François. Qu'en fait, on affirme des choses qui ne sont pas vraies, quoi. C'est-à-dire. C'est-à-dire, j'ai pas d'exemple précis, c'est bien sûr. C'est l'ère du pervers narcissique. Si, ils affirment des choses, c'est un mensonge, mais ils sont. Effectivement, ils l'affirment, mais attends, il y a un manque de contexte. Emmanuel Macron, par exemple, il parlait aussi de Donald Trump. Alors, sur son premier mandat. Ça, lui, il affirme des choses. Je crois que c'est 80. C'est un chiffre astronomique, 80 000. De choses qui ne sont pas vraies en fait. Ouais, il y avait une étude aussi qui avait été faite par Le Monde aussi pendant la période des élections, hein, en fait, de dire qu'il y avait maintenant plus trop besoin de dire la vérité. Mmh. Il suffisait de marteler suffisamment ce qu'on voulait être la vérité pour que dans un environnement médiatique où on est noyé dans de l'information et où les gens ont moins la capacité de vérifier et où les médias en fait des fois sont entraînés aussi par un agenda politique et de ne pas faire forcément ce fast-checking Parce qu'on a la possibilité de vérifier plus que jamais en fait aujourd'hui, mais est-ce qu'on a le courage de le faire, ça c'est autre chose. Et effectivement il y a quand même quelque chose aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, hein, c'est plus ça fait le buzz, plus c'est gros, en fait, plus ça a d'impact. Et je pense que les politiques se servent de ça aussi. On le voit avec Trump aux États-Unis, où en fait, bah voilà, n'importe quelle chose, en fait, plus elle est grosse, plus ça va, ça va engager les partisans, ou même pas, parce que les autres ils vont pas forcément vérifier, mais ça va engager dans une voie. Alors que si on se restreint aux choses où on sait que c'est une vérité, mais en fait elles sont pas, c'est pas foufou, quoi, voilà, ça fait pas hyper bien réagir, bah en fait on passe par le candidat. Sur les réseaux sociaux, tout ce qui est polarisé, tout ce qui fait vraiment de la réaction, ouais, fait du clash, tout ça est mis en avant. Oui, justement. Voilà, et le débat de fond qui lui est intéressant, et il est intéressant, mais il est moins fascinant. Est-ce que c'est pas le propre de l'homme aussi de réagir avant, par rapport à ce qui est, oui, le plus, mais les algorithmes mettent ça en avant aussi, justement. T'as Twitter, Facebook en ligne, franchement tu lis le titre, des fois il faut faire l'effort, et il y a peu de monde maintenant qui font l'effort de cliquer sur l'article. On appelle ça un putaclic, parce qu'en fait ça n'a rien à voir, mais il y a rien dans l'article, le développement de l'article, bien sûr, mais ça c'est pour faire des clics. Et puis aujourd'hui, vous avez, on a eu un peu le moment là. Le patron de Tesla, il a perdu 130 milliards, et ça dure depuis une semaine. Est-ce que c'est vrai? Alors, et on ne sait pas. Alors, on nous omet ça. Mais il y a un moment, mais c'est surtout que je m'en fous. Qui perd de l'argent. Tu vois quand même que le pognon. Il y a des sujets à discuter, que peut-être jusqu'en 2030 va falloir. Et puis moi, les 50 milliards, si tu veux, je peux pas les perdre. J'ai pas cette capacité là. Alors, il y a 3 mois avant, c'est le milliardaire du monde, et puis d'un second, et puis on voit notre le président des États-Unis qui est en train de vendre des voitures. Mais dans quel monde? Ouais. Oh bah c'est Je pense qu'aujourd'hui il y a des sujets là, les gens sont à des places multiples là, aujourd'hui. Là on discute des vrais sujets de la vie. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Ouais, mais c'est là où justement en fait on en revient par rapport à cette question de la post-vérité. C'est qu'en fait là ce qui manque en ce moment c'est du courage dans les médias, pour ceux qui sont encore un minimum autonomes et en capacité de pouvoir justement faire ce travail de fact-checking. Il y a un alignement des médias sur juste pour ne pas froisser la position de ces personnes-là qui est très problématique. Ouais. Il y a, en fait, parce que là, tu parlais de courage là, par rapport au fait de pouvoir vérifier de l'information et tout. Enfin, courage, je ne sais pas si je suis d'accord avec le terme, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très chronophage pour des gens qui ne savent même pas faire, qui n'ont jamais été formés à faire ce travail-là. En fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est un travail de journaliste. Et en fait, c'est quelque chose qui doit être fait parce que c'est leur travail. Et certains le font, mais... Il y a du bon journaliste et du mauvais journaliste. Mais ça doit être fait, en France en tout cas, ça doit être fait maintenant, à l'heure où on peut encore le faire. Parce que quand je refais le parallèle avec les États-Unis, là j'ai vu que ces derniers jours, ils veulent fermer une radio qui existe depuis la fin de l'ère nazie, Voice to America, je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ouais, hein. Voice of America. Et ils veulent la fermer. En fait, le prétexte, il est simple, hein, c'est qu'ils sont pas d'accord avec le pouvoir. Donc, du coup, il y a même plus de sujet de discussion, puisqu'on ferme ça, c'est de l'argent public, on ferme, et voilà, comme ça, tout le monde, la seule voix qui sera portée, ça sera la nôtre. Est-ce qu'ils vont, la fermer? Je sais pas. C'est aux États-Unis. Mais il y a quand même le droit derrière. Est-ce que c'est répréhensible ce qu'ils ont dit ? Il y a effectivement un jugement qui doit être fait pour savoir ça. Si on aime bien parler justement de ce média va fermer, il a été attaqué, mais quel média est fermé dans... Après, j'espère, qu'il y aura barrage à ça et que la justice, elle va être neutre sur le sujet. Mais bon, après, on sait très bien que la justice, surtout d'ailleurs aux États-Unis, elle peut être vite aussi corrompue par le pouvoir et par l'argent surtout. Donc j'espère effectivement que ça ne sera pas, mais en tout cas c'est en danger. Donc nous en France on a quand même cette liberté là, mais on l'a à partir du moment où on essaye de faire attention à nos valeurs et pour faire un peu abstraction du potentiel économique qu'on pourrait choper à l'instant T. Mais que si, en fait, au final, si on se focalise là-dessus, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, en fait, on n'aura plus besoin de se pencher là-dessus, puisque de toute façon, on n'existera plus, quoi. Mais c'est formidable ce qui se passe pour Trump, là. Moi, je trouve que c'est absolument formidable. C'est le mot. Mais il y a une forme de complaisance des médias qui est quand même un peu suspecte, je trouve. On a un mec qui est un nazi. J'ai vu un truc, je sais plus si c'était de Blast ou d'Off Investigation. C'est un nazi, le mec. C'est un nazi. Oui, non, mais Elon Musk. Il en est pas. Et il y en a qui nous expliquent qu'il est autiste et tout. Il est peut-être autiste, mais c'est un autiste nazi, quoi. Bon, d'ici à dire que c'est un nazi, c'est un peu. Mais attends, il n'est pas son premier coup d'essai, Elon Musk. C'est pas son premier coup d'essai. Mais c'est marrant. Il était parti à Auschwitz avec son gamin sur les bras en faisant des gros. Mais ils sont hors sol, ces mecs-là. Il était parti en Israël en disant la main sur les. Il a appelé ses enfants, comment il les a appelés. Bizarrement, ouais. Des noms de code X 12 machin, bon, enfin voilà, c'est un personnage très particulier, très controversé. En tout cas, c'est un peu suspect. Mais nazi, bon, c'est un peu extrême droite. Attends, quand des nazis, quand des nazis disent que le geste d'Elon Musk c'est un geste nazi, bon, on peut quand même se ça leur donne peut-être du crédit aussi. On peut quand même s'interroger. On peut quand même s'interroger qu'un mec, c'est comme Bannon, là, l'ancien conseiller de Trump, qui fait des saluts nazis, mais ça va, c'est enfin et c'est ok. Il y a une forme de complaisance des médias, je trouve, qui est assez terrifiant. Ils ont une liberté d'expression aux États-Unis qui est très différente de la nôtre. Même en France, les néo-nazis peuvent en fait circuler. Défilent aussi en France, hein, les néo-nazis. Ouais, mais pas avec des croix gammées, pas avec. Pas légalement. Il y a la croix celtique. Oui, mais la croix celtique, c'est pas une croix gammée. Ça fait quelques années qu'ils défilent dans les rues. Si on suit le sujet, ils défilent dans les rues. Oui, mais la liberté d'expression aux États-Unis n'est pas du tout la même. T'as des attaques. Aux États-Unis, on peut dire qu'une personne peut dire qu'elle est nazie. Elle peut dire qu'elle est raciste. Alors qu'en France, on a du droit qui interdit justement de faire l'apologie de crimes nazis, etc. Je sais pas. Bon, c'est aussi pour ça que quand tu parlais de comment il s'appelait le conseiller présidentiel de Elon Musk, c'est Bannon. C'est aussi pour ça qu'ils sont là-dedans, parce qu'ils ont la provocation. Ils savent très bien qu'en fait leur liberté d'expression leur permet et que ça va polariser et que pour eux, ce qu'ils vont appeler les gauchistes vont les détester, mais ils les détestent déjà, donc ils s'en foutent. Ouais. Mais Trump est totalement en fait, là-dedans polarisé aussi. Et la gauche est pareil. Et en fait, en France, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout ça, c'est qu'il y a une polarisation du débat où vraiment, il y a l'extrême droite, il y a cet extrême libéral centriste de Macron, de Renaissance, et puis il y a l'extrême gauche, et puis voilà, et en fait c'est très polarisé, quoi. C'est vrai. Et il n'y a plus de débat. Et de consensus. L'immigration, ça va être un débat soit d'extrême droite, soit c'est un débat de racisme, machin. C'est et en ça, fait, on c'est. Est raciste. Et le problème, c'est ça en fait. Pour moi, enfin, ça donne envie de voter pour aucun parti quand on voit ce qui se passe. Parce qu'il y a des partis qui donnent des très bonnes leçons sur l'économie, sur tout ça, mais quand on voit des fois les sorties qu'il peut y avoir. C'est une cour d'école de maternelle. Et puis il y a du conditionnement en fait. Non, pour moi, non. C'est lamentable. Il n'y a plus de respect, plus léger, les enfants, du débat d'opinion. Hein, on va débattre sur un sujet plus léger, si vous me permettez. Bon, c'est vrai qu'on manque un peu de nuance, mais. Je le répète, Elon Musk est un nazi. Au moins, il y a plein d'avis divergents. Nazi, pas nazi, en tout cas, un peu fou, ça c'est clair. Alors. Oh, pardon, je pioche alors. Ouais, on va demander à Lisa, tiens. Bon, après, je sais pas si ça changera fondamentalement les choses. Mais les sujets, on les a déjà mis par avance. Alors, Lisa. C'est un papier qui est tout petit. Qui est tout petit. J'ai bien plié. Alors, attendez. Ah, déjà, il faut qu'on arrive à ouvrir le papier. On arrive à ce stade. Votre album du moment. Tu vois, c'est plus léger. Ah, bah ça fait plaisir. Ça fait du bien, oui. Cool. On va écouter une reprise de Sum 41 avec In Too Deep. Minority tout court. Maintenant sur Indestar. Et après, on parle d'un sujet musical. Quel est votre album du moment, votre album préféré? On va donner des petits conseils. Ça va être chouette. Et c'est sur Indestar que ça se passe, évidemment. Indestar. Bon, ça y est, les enfants sont couchés, on va pouvoir écouter notre émission. Oui, mais il est un peu tard, tu ne crois pas? Pas de problème, je vais sur indestar.fr rubrique podcast ou sur n'importe quelle appli mobile de podcast. Je cherche l'émission et hop, c'est comme si on voyageait dans le temps et qu'on se retrouvait au début de l'émission. Indestar, là où tout commence. C'est génial, ça veut dire qu'on peut faire un troisième enfant? N'exagère pas quand même. Bonne soirée sur Indestar. J'espère vraiment que tout le monde va bien, c'est Radjou. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Indestar. Je découvre et c'est top ce que vous faites. C'est super. Merci. Merci. Merci. Merci. Génial. Franchement, changez pas. Donc, bien. Indestar. Indestar. Indestar. Indestar. Indestar. Indestar. Indestar. Là où tout commence. Now baby, C'est là où tout commence. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de débarquer, indestar.fr, pour suivre cette émission qui est, voilà, qui part dans tous les sens, mais c'est normal en même temps, c'est de la libre antenne. On a pioché des sujets, voilà, alors tout à l'heure c'était les jeux de société, sujet plutôt finalement assez léger, ensuite beaucoup moins, et là on rentre dans un sujet musical, musical qui est son c'est album, l'album préféré. Du moment. Voilà, son album préféré, choix musicaux finalement. Vas-y François, je t'en prie, si tu veux commencer, pourquoi pas. Mon album du moment. Oui. Mon album du moment, il s'appelle Amour Suprême, c'est de Youssoupha, et un rappeur que j'aime particulièrement, et c'est génial, notamment il y a une musique sur sa fille, et qui est hyper intéressante, je trouve. C'est un mot pour sa fille, quoi. C'est quoi sa chanson qu'il a dédiée pour sa fille? Alors elle s'appelle comment? J'ai oublié le nom, que je vais retrouver de suite. Youssoupha, c'est un rappeur, c'est ça? Youssoupha, c'est un rappeur, effectivement. Rappeur, il parle que j'écoute moi depuis très longtemps, et c'est vrai que j'aime beaucoup ces rappeurs là. Il a explosé en France avec quel titre, tu nous rappelles? Moi je me souviens. Alors Youssoupha, il a explosé au début des années 2000, et la chanson s'appelle Dieu est grande. Dieu grande. Ah bah déjà il y a une faute de d'accord. Dieu est grande, et c'était je pense qu'il jouait justement là-dessus. Et c'est alors il est exposé dans les années 2000, on va dire, justement avec ce, comment dirais-je, avec un album, je pense, qui s'appelle Éternel Recommencement. Ça me dit quelque chose, ça, Youssoupha. Tu peux nous fredonner un peu, je me souviens plus. Éternel oh, je sais pas. C'est succès. Maintenant, faut fredonner, quoi. Parce que moi, Youssoupha, je le connais de nom, tu vois. Ah. Mais alors, ce qu'il a chanté. C'est souvent rappé, donc je ne pourrais pas vous le fredonner. Fais le fromage rappé. Mais en tout t'as cas... pas une petite chanson là sur ton téléphone, hein, un début de chanson? Ah ouais, tiens, mettre, écoute. Ah ouais, mais écoutez, je vais vous faire. Ah, c'est les joies de l'émission pirate. Hein. Ah bah, c'est ça, c'est-à-dire, il partage à l'arrache. Alors, oui, effectivement, son premier album, c'était une mixtape qui s'appelle Éternel Recommencement, qui est sorti en 2006. C'est quoi déjà une mixtape? Une mixtape, alors en fait, c'est un album, c'est un format d'album, si on peut okay. dire ça comme ça. Grosso modo, de ce que j'ai compris, ce qui va différencier principalement les EP et les mixtapes des albums, c'est que va y avoir déjà moins de promotion, ça va être moins de promotion comme un album, etc. C'est plus fait, il y a un côté pas à l'arrache, mais. Est-ce que dans une mixtape, par exemple, contrairement d'ailleurs à un EP ou un album, puisqu'un EP c'est un petit album, mais qu'il n'y a pas forcément de lien entre les chansons, dans le sens où de direction artistique d'album, par exemple. Pas nécessairement. Non. Pas nécessairement. Il peut y avoir une. Peut y avoir un. Voilà, ouais. Il peut y avoir une mixtape où tu as vraiment une. Comme un album ou un EP où il y a un. C'est ça. En fait, sur la mixtape, pour moi, en fait, il va y avoir quelque chose qui est de l'ordre de. Davantage de. On expérimente. On expérimente plein. C'est comme une première prise en vidéo, quoi. Voilà, on expérimente. Moi, je suis beaucoup le rap, mais il y a eu, par exemple, La Fouine avec ses Capitales du Crime, où il invitait beaucoup de gens, des jeunes rappeurs, il mélangeait plein de trucs, il testait plein de trucs, voilà. Et donc, une mixtape à retenir, c'est comme une sextape sans sexe. Et donc, Youssoupha, il y a eu Éternel Recommencement, qui a eu un succès d'estime. À chaque frère sur les chemins du retour, et notamment il y a eu une polémique entre Youssoupha et Éric Zemmour parce que dans une de ses chansons il a déclaré je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Ça lui a valu un procès qu'il a gagné. Mais Éric Zemmour là, parce qu'ils ont dit les juges c'est de l'artistique, la liberté d'expression. Exactement. Et Éric Zemmour a porté plainte en disant que c'était une menace de mort. Youssoupha a répondu en musique avec une chanson qui s'appelle menace de mort, justement. Et avec cette phrase qui peut prétendre faire du rap sans porter en fait des convictions. Et donc voilà. Je m'éparpille, recadrez-moi. Du coup, dernier album, il s'appelle comment? Il s'appelle Amour Suprême. Amour et Suprême. Dans Amour Suprême, il a fait une chanson qui s'appelle Dieu est grande pour sa fille Imani. Un extrait. Imani, c'est pas la chanteuse Imani. Non, Imani, c'est vraiment le prénom de sa fille. Oui. Et ça donne ça. Je sais pas si on va couper attendre. Le bed. Là, on écoute de la musique comme ça. Moi je suis le genre de père un peu à l'ancienne. J'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon mais dans ma tradition, la vraie bénédiction c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisse pour que le temps s'arrête, 1000 mètres à la ronde. Dieu est infini et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. C'est mignon hein, c'est plutôt mélodique comme rap. Moi qui suis pas trop fan de ce genre musical, c'est... Et oui, effectivement là voilà, il prône un peu les valeurs. Et en fait, il donne des conseils à sa fille, quoi, pour grandir dans ce monde avec ses hommes, etc. Les difficultés, il a conscience des difficultés qu'il peut avoir. Il n'est pas à son premier coup d'essai parce que en 2021, il a sorti un album qui s'appelle Neptune Terminus, dans lequel il fait une musique pour son fils aussi, en lui donnant, voilà, des conseils. Peut-être qu'il aurait aimé avoir, lui, en étant plus jeune. Mais c'est un rappeur que j'aime pas tout particulièrement parce que moi j'aime le rap, mais j'aime surtout l'authenticité du propos. J'aime bien qu'on parle aussi des difficultés, quoi. Il y a un album de This Is La Peste qui s'appelle Amour, où il parle de l'amour, il parle de son divorce. Tant il va dans les détails qu'il y a une forme de, je sais pas, de pudeur, de quelque chose. On est presque gêné, voilà. Mais moi, j'aime particulièrement. Enfin, voilà, j'ai passé l'âge d'écouter des mecs qui me parlent d'armes et de grosses voitures. J'ai besoin qu'il y ait un sens. Et chez Youssoupha, il y a souvent la forme, le fond. Et voilà. C'est des dignes héritiers de MC Solar, parce que moi, c'est digne héritier d'MC Solar. Ma génération. Ah, j'avoue que exactement. MC Solar, ça me parle pas mal. Youssoupha, sur tous ses albums, a toujours un nom de titre qui rappelle d'autres artistes. Dans son album de 2015 qui s'appelle Négritude, il y a cette musique qui s'appelle Mourir mille fois, qui est incroyable, qui parle du deuil. Qui me donne à chaque fois les poils, et en fait qui fait référence à un excellent rappeur qui s'appelle Oxmo Puccino, qui est même pas un rappeur mais qui est un poète. Je vous invite à écouter. Ouais, je connais. Ouais. Et dans l'album Amour Suprême, il y a Pros Combat qui est une référence directe à MC Solar. Donc voilà, c'est ce que j'écoute en ce moment. Il parle de ses doutes, il parle de la dépression dans un monde, le rap c'est très masculin, c'est très voilà. Il parle de la dépression qui a pu le toucher, qui parle au fait du fait aussi d'être seul à un moment donné. Donc dans la vie d'artiste, c'est des choses qui peuvent arriver. Et bien sûr, il a aussi un mot pour sa femme. Voilà, c'est un album que j'aime beaucoup. Et voilà, je laisse la parole peut-être. Je pense que il y a des personnes aussi, il y a des vieilles générations un peu, comme des Jean Ferrat, des choses comme ça, avaient aussi dans leur musique, dans leurs albums, des choses aussi, comme tu dis, on voit, c'était pas sur la même musique, sur le même thème, mais c'était aussi, ça a apporté. Et moi, j'écoute un peu de temps en temps ces chanteurs comme Cohen, comme tous ces trucs, qui apportent quand même une sensibilité. Souvent, les rappeurs eux-mêmes ont des références comme ça, de la vieille chanson française. J'ai perdu le nom, tu sais, les copains d'abord, là, c'est Brassens. Brassens, voilà. Brassens, qui était très, très écrit, très parlé, en fait. Bien sûr. Voilà, et il y a beaucoup de jeunes rappeurs qui ont ces références-là, en fait. Mais totalement. Moi, il y a un rappeur que j'adore qui s'appelle Medine, qui a fait une chanson qui s'appelle Brassens. Et il y a, en fait, ils les ont, en fait. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont ces références-là. Youssoupha a fait une chanson où il y a Balavoine, etc. Balavoine, c'est un chanteur. Il y a certains rappeurs connus qui de par ses propos, son combat, etc., qui se disent, mais c'est un rappeur, ce mec, avant l'heure, en fait. Ouais. Donc, en fait, ils ont des fois ces références-là. Exactement. Donc, c'est ça, oui, exactement. Et parce que dans leur musique ou dans leurs paroles, nous donner nous photographier, enfin des choses pour dire, c'est la réalité, des choses comme ça, dans leur musique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le rap. Alors, c'est pas ma génération, je suis pas très cette musique-là, mais il y a quelques heures, comme on entend. La personne que tu nous parles là, on voit tout de suite, ça me fait rappeler un peu des patrons, je disais Jean Ferrat ou Brassens. Ah, ça finit pareil, Youssoupha, Jean Ferrat. Mais ils sont tellement, c'est tellement aussi incroyable, enfin, qu'on voit des Jacques Brel, c'est la puissance de l'interprétation, le propos, etc. Ils auraient tort de pas d'aller piocher là-dedans. C'est vrai. Parce que c'est des grands chanteurs. C'est des grands chanteurs, oui, bien sûr. chapeau bas. Bah, vous dire, moi, après, c'est une autre culture, mais je suis allé voir Johnny Hallyday, moi. Tu vois, mon mec, sur une scène, attention. C'est un showman, le mec. Ouais. Mais même qu'on aime ou on n'aime pas, mais voilà. Je suis allé voir Yannick Noah parce que ma fille, à cette époque-là, elle aimait. Bon, Faut qu'on en parle, Yannick Noah. Il avait son petit sachet, et puis voilà. Bon, mais... Ah, Yannick Noah, il a saoulé tous les noirs de France, je pense. Tout le monde avait envie de lui dire, mais mets des chaussures, quoi. Tu nous rends fous, quoi. Vraiment. Mais je crois que la comparaison, tu passes après Johnny Hallyday. Ah ouais, mais après Johnny, c'est un monstre sacré, c'est quelque chose. C'est. Il y a quand même, voilà, des artistes, mais on aime ou on n'aime pas. Puis c'était quand même des exactement. Artistes, des mecs. Ouais, sur scène, c'est. Moi, j'ai fait le Parc des Princes. Ou un peu comme les Rolling Stones. Aujourd'hui, ils reviennent sur scène. Mais ah, mec, ils sont encore là. et ils tiennent quand même à ACDC. Ouais. C'est clair. Je suis allé voir Trust. Ah ouais. Attends, même si on aimait ou on n'aimait pas. Ouais, ma génération. Ça, c'est du rock. Trust, antisocial, téléphone. Bah, voilà, c'était ça, des... ça ah, ça c'était voilà. Et on en revient de ces musiques de temps en temps. Oh bah, il y a toujours des musiques on va leur dire. On va foutre un Claude François dans une soirée. Oui. Et là, ça déclenche tout le. Oui, oui. Ouais, ouais, et ouais. C'est marrant quand même. Avec même si on n'aime pas. Mais explique avec trois coupes de champagne avec Claude François. Ah bah, ah bah ouais, ça c'est clair. Après, on enchaîne les démons de minuit et puis à la fin de soirée, à la chenille, ça part. La danse des canards, si on fait. Patrick, musique actuelle, est-ce que tu suis l'actu musicale ou est-ce que t'as un petit coup de cœur en ce moment ou pas du tout? Non, moi je mets, je disais tout à l'heure, moi je mets les musiques par rapport à mes journées. Ouais. L'ambiance, le mood de la journée, quoi. Ouais. Toujours, voilà. Oh tiens, aujourd'hui c'est une belle journée. Oh, je vais me mettre une musique douce. Oh putain, j'ai envie de me taper un bon rock et ben je vais me foutre un petit rock. Mais il me faut de la musique. Est-ce que t'es aussi dans de la découverte ou alors j'écoute. Ouais. Ouais. Alors bon, j'accroche pas. Mais il y a des beaux trucs quand même. C'est vrai. Il y a des quand même. C'est dommage qu'ils en font qu'une, mais ouais ou pas parce qu'en fait ils en mettent qu'une en avant. Des fois c'est ouais. Ça aussi. Hein. Les radios hein, notamment. Enfin quand sur un album on sort un titre en single et qui va être jusqu'à matraquer, on n'en peut plus à la fin. Alors que si ça se trouve le reste de l'album est peut-être beau, est ouais, très bien. Écoutez, ouais, ouais voilà. Mais c'est vrai que souvent on va mettre en valeur un ou deux titres dans ouais. Un album. Ou, et puis, des fois, un peu des albums comme il vient nous parler ou des albums que tu passes ou tout ça, c'est des musiques qu'on entend très peu. Ah bah sur Indestar c'est ouais c'est normal ouais mais ouais. Oui c'est propre. Peut-être que c'est dommage aussi ça peut aussi ouais. C'est une musique agréable aussi. Et ce qui est cool tu vois si t'apprécies une musique, alors je dis pas que l'album est forcément transcendant parce que des fois il y a que un ou deux titres qui sont bons à écouter réellement hein, mais des fois pas et en fait souvent il y a un projet derrière un album, c'est à dire que souvent maintenant on met en scène une musique, un single en se disant voilà on va sortir ce truc tout seul, mais souvent il y a un projet d'album où il y a une ambiance, il y a un univers, il y a quelque chose qu'on veut véhiculer et qui se véhicule vachement mieux avec 12 titres que avec un seul titre comme ça isolé quoi. Il y a vraiment des albums qui sont à écouter dans leur intégralité et qui sont et sympas et même par respect de l'artiste en fait. Ah ben bien sûr. Parce que et notamment avec le streaming, c'est vrai que maintenant on a cette tendance au zapping. Ouais. On a du mal à écouter un album tout entier sans. Faut essayer de le faire quand même parce que en fait on va digérer quelque chose qu'il a mis 2, 3, 4, 5 ans à bosser et toi bon tu l'écoutes en. Ouais. Et tu vas dire ouais, tu vois, les deux musiques là parce que le rythme rentre plus dans la peau et ouais. Non, c'est vrai, c'est un peu dommage. Et on en parle un peu des musiques comme ça. Hier j'étais en train de ranger mon garage et j'ai encore toutes mes collections de disques quand j'étais jeune. Et des disques transparents avec des musiques qui m'ont marqué et que peut-être qu'aujourd'hui on les remet, bah, qui vont repartir parce qu'elles apportent quelque chose. Mais à contrario, tu vois, je pense qu'à l'époque, donc t'as connu les vinyles, hein, bien sûr. Bon, ça revient à la mode, hein, les vinyles, j'ai une platine aussi à la maison, mais en fait, par exemple, sur un vinyle, et d'autant plus à l'époque, parce qu'aujourd'hui on a le streaming à côté, effectivement, cette génération zapping, mais quand t'avais un vinyle, que t'avais qu'un vinyle, enfin ou deux vinyles ou trois vinyles, tu vois, voilà, c'est ta collection. Forcément les musiques de l'album, tu les ponces. Ah bah oui, c'était obligé, tu vois. Par cœur, tu ouais. Donc et il y a des chansons dans un album la plupart du temps où la première écoute ça va pas être un tube. Si tu veux, ça va pas être un truc que tu vas passer à la radio et que tout le monde va accrocher du premier coup. Donc du coup, il va pas passer à la radio et voilà. Mais cela dit, ça peut, si ça se trouve, à la 15e écoute, devenir finalement le ton préféré de l'album, puisque c'est le titre que tu vois, que tu vas le sentir, tu vas te dire en fait, c'est le titre qui, en écoutant en boucle, qui a le plus de profondeur, qui a le plus de trucs, et du coup, le single qui va passer en radio, il va vite te saouler, parce que déjà tu l'entends tout le temps, et puis en plus, parce qu'il est hyper beaucoup plus répétitif ou des choses comme ça. Et voilà, et en fait, le vrai problème aujourd'hui là-dessus, c'est que on prend, comme tu disais François, on prend plus forcément le temps d'écouter un album dans son intégralité, puisqu'en fait on en a 30 000 qui sont proposés à côté. Ouais. Et puis en ce moment, il y a des fois, il y a certains grands chanteurs ou musiciens ou tout ça, qui ont écrit des albums sur un bout de papier, qui sont dans un tiroir et qui vont ressortir comme ça. Et, ouais. Et des musiques. Après, il y a un marché aussi très lucratif, tu sais, de vouloir, même sur des morts, de faire ressortir des albums. Oui, par exemple. Je crois qu'il y a une part de. On en revient encore dans cet argent, il y a une part de marché importante dans la musique. Alors, je ne suis pas assez expert dans ça. Oui, mais bien sûr. Mais on va dire une valeur sûre, tu prends Johnny Hallyday, par exemple, que les Français aiment encore beaucoup, plusieurs années après. Ça doit générer des sommes incroyables. Tu dis demain, on va ressortir un album de Johnny Hallyday avec l'IA, avec des trucs qu'on a retrouvés dans des placards, des machins. Ça marche. Tu sais que ça marche, tu vois. C'est un peu comme c'est un peu comme le deuxième film d'un film qui a bien marché. Tu sais que le truc il va faire moins d'entrées. Tu sais que ça va pas être un carton plein, mais tu sais que ça va être un petit carton quand même. Donc tu le sors. Tu vois, alors que s'il est mauvais. On va revenir un peu au Covid. Vous vous rappelez, pendant le Covid, il y avait un chanteur du groupe Téléphone. Qui se faisait des musiques et après il est passé pendant les soirées. C'était Louis Bertignac, non? Ouais, je crois. Toujours. Et vous? C'est sympa. Là, pendant le Covid, j'écoutais de la musique plus qu'aujourd'hui. On a eu énormément pendant le Covid. D'ailleurs, on a fait beaucoup d'interviews. Pendant le Covid, on a fait beaucoup d'interviews sur Indestar parce qu'en fait, les artistes étaient dispo, du coup. Ouais. Et avec des petits lives comme ça au téléphone, etc. Alors, ça avait pas le charme d'un live en studio, mais c'est vrai que pour le coup, c'était une période où il y avait vraiment de la proximité entre les artistes qui faisaient des concerts à la maison. Ils ont fait ça sur Zoom, etc. Ouais. Avec leur communauté, il y avait cette relation de proximité qui était d'autant plus présente, qui quand même ces dernières années depuis l'avènement d'Internet s'est quand même renforcé. C'est-à-dire que tu prends, on prend Johnny Hallyday, mais on prend Michael Jackson, etc. C'est des grandes communautés. Mais voilà, on achetait l'album, on avait cette vision du chanteur qui était l'idole, mais du coup, on n'avait pas du tout de relation avec cette personne-là. Aujourd'hui, même si la relation elle est un peu faussée parce que t'es un artiste et puis voilà, mais tu peux quand même avoir une relation de proximité avec les artistes qui est vachement plus présente que ça l'était à l'époque. Et c'est plutôt cool, je trouve. Et Lisa, du coup, Lisa, Jean, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement, j'écoute plus trop de la musique en ce moment, donc ça va pas. Il faut que tu me répares ma radio dans ma voiture déjà. C'est pour ça. Et sinon, j'écoute, j'écoute plus vraiment. Et le dernier album qui t'a marqué alors, même si ça fait 10 dernier ans. Dernier album. Je saurais même pas te dire. Faudrait que je. Ou l'album que t'apporterais avec toi. Ah ouais, sur l'île déserte. Mais en fait, quand t'as parlé des rappeurs, moi je pensais à Diams, qui m'avait beaucoup c'est marqué à l'époque. Diams. Quoi. Diams, c'est l'une des meilleures rappeuses. Ouais, voilà. Enfin, rappeuse-rappeur. Elle s'est battue déjà pour être rappeuse. C'est ça. Et c'est ma génération aussi, quoi. Oui. Ouais. Ouais. Elle a marqué une génération. Et elle parlait vraiment avec le cœur. Elle était. Le dernier titre de son dernier album de 2009, là, après elle arrête, c'était le dernier, qui fait. Plus de 10 minutes, je crois. Et il y a peut-être une chanson. Mais ouais, et qu'elle a refusé en fait qu'il passait en radio. En fait, elle a refusé qu'il soit coupé. C'était soit il le passait en radio. Donc ils l'ont pas passé. Et Skyrock l'a passé. Skyrock l'a passé. Mais c'est incroyable, c'est avec le cœur, ça te donne les poils. C'est Diams, quoi. Et tu disais, quelle musique qui un jour peut nous apporter. On va parler de la mort. Mais moi, je sais qu'il y a une musique. Si un jour je viens à disparaître, qu'on doit me mettre, c'est Hotel California. Tu sais que ça parle de drogue, hein? Ouais. Et je partirai avec cette musique. Okay. Elle est cool. Et puis elle dure un bon moment, ouais, tel Californien. 6-7 minutes, c'est quelque chose comme ça. Les gens ils pleurent, je préfère qu'ils écoutent. Ouais. C'est plus sympa, ouais, Patrick. Bon, non, écoutez la musique, Patrick. Non, c'est vrai. Voilà. C'est un peu. En rockstar, Patrick. Exactement. Jean. Moi en ce moment c'est très porté sur du Brigitte Bardot. Oh là, dernier album de Brigitte Bardot. Ouais, France Gall et Serge Gainsbourg. Ok, ouais, on est dans la nouveauté. En ce moment je suis à fond là-dedans. Album après dernier album. Alors c'était en vinyle et c'est Cheese de Stromae. Ok, okay. Voilà. Ouais, qui a marqué aussi une époque. C'est, hein, c'est son album de 2010. Oh, pff, l'année, je peux pas te dire, mais je pense que potentiellement par là, ouais. Après, si j'avais écouté le dernier album suite à sa dépression, mais on sent qu'il y a eu un avant-après, quoi. Mmh. Mais Cheese, ouais, en album. Okay. Pareil, mais là, en ce moment, ouais, je suis sur un mood d'une époque qui n'est pas forcément la mienne. Mais ouais, j'aime beaucoup, bah, surtout quand les paroles ont du sens, un peu ce côté poétique, une espèce d'ambiance. Un peu hors du temps de ce qu'on entend un peu en ce moment. Ouais, ouais. C'est mon petit exutoire poétique, on va dire ça comme ça. Ouais. D'accord. Et toujours en vinyle, que du vinyle, full vinyle. Ouais. Et si t'avais un album. Ouais, et par contre, quand je vais à la salle de sport, là, j'étais tout à l'heure, ouais, c'est du gros rap de Tolard. Ouais. T'écoutes quoi à la salle? La crime, hein? Ouais, c'est des mecs agacés un peu. Ouais. Ils savent chanter, ceux-là? Ça hurle fort, ouais. Ouais, mais c'est ça donne de la. T'écoutes que la crime à la salle? SCH, la crime. Rof, oh waouh, ouais, Rof, c'est très vieux. Rof existe encore? Non, bah, c'est les anciennes. Moi, je suis un mec un peu. J'aime bien les anciennes choses. Je suis pas né à la bonne époque. Le Rof, ouais. C'est. Faut pas déconner. Ah non, mais t'as pris la pire. Moi, je te parle. La puissance. Moi, je te parle de ça. J'ai jamais kiffé. Non, mais ouais, voilà. En ce moment, c'est beaucoup ça. Ouais. Ok. D'accord. Si tu devais avoir un album à apporter sur une île déserte, ce serait quoi? Je dirais Serge Gainsbourg, mais alors lequel? Parce qu'il en a fait tellement, ouais, lui. Plein de périodes différentes, Gainsbourg. Bah, c'est ça le truc. Attends, je regarde. La javanaise, je me rappelle qu'on chantait ça. La javanaise. La javanaise. Ouais. Moi, j'aime bien Bonnie and. Moi, ma préférée, c'est Bonnie and Clyde. D'accord. Ouais. Ok. Et puis, en plus, pour partir encore plus dans le délire, je suis très film autobiographique en ce moment. Mmh. Ok. Justement sur les stars, les documentaires Netflix sur des acteurs. La dernière fois, j'ai vu sur Arnold Schwarzenegger. Mmh. Très intéressant d'ailleurs avec sa vision de vie. Voilà. Il a pas commencé dans le porno? Non. C'est Stallone. Ouais, ouais. Mais non, il a commencé culturiste à 20 ans en Autriche. Il a fini culturiste. Son père le battait. Il avait un physique incroyable. Incroyable. Ok. Ouais. Comme un boomerang, voilà. Comme un boomerang. Cet album-là, bon voilà, je vous le montre. Ouais. Ok. Celui-là, ouais. Quelle année ça? Aussi, beaucoup de choses aussi. Hein. La musique. Ouais. Alors moi, c'est la musique. Moi, cet homme-là. Bah des fois des conflits, le conflit, tout ça. Oui, alors ça dépend, effectivement, ça peut aussi l'envenimer. Mais non, le rap, ça peut être très. Ouais, très, Aboubakari, ça. Ouais, non, mais tu vois, je prends l'exemple de Serge Gainsbourg. Bon, il a fait ce qu'il a fait, certes. Moi, je parle en tant qu'artiste. Par exemple, quand on prend Le Poissonneur des Lilas, la première musique où on l'a découvert, hein, un petit mec tout maigre avec les oreilles décollées, moche. Et le gars, tu te dis, attends, il y a un truc un peu névrosé, il chantait bien, un artiste, un monstre du piano, quand il dit, j'ai vu un bouquin où il disait qu'il y avait des mecs qui se la coulaient douce à Miami, pendant que moi je poissonne des tickets dans un tunnel noir, enfin ça explique plein de choses en même temps. Bref, moi j'aime bien quand c'est un peu constructif. Excuse-moi, tu parlais du rap, moi j'aime beaucoup le rap conscient. Concret, où tu parlais de Jams, il y a des choses t'es d'accord, t'es pas d'accord, etc. Chez la crime aussi. Oui, la crime aussi. Ça. Bah, là, c'est un peu plus porté sur pourquoi je vais en prison parce que je veux de la drogue. Et compagnie, mais après, c'est un autre débat. C'est notre construction. Mais voilà. Ouais, c'est un autre, autre débat. Ouais, ouais, moi je suis plus dans ce principe-là. Ouais. Tout okay. à l'heure, on évoquait MC Solar. Tu vois, moi, une chanson que j'aime beaucoup d'MC Solar pour sa poésie, ses trouvailles de mots, etc., c'est Caroline. Caroline, je trouve que en termes d'écriture, elle est géniale. C'est cette musique, toutes les références qu'il y a, les rimes, les trucs. Ouais, franchement, une chanson comme ça. Ouais, franchement, ouais. Olivier, l'album du moment, pour toi, c'est quoi ? Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment ? Qu'est-ce que t'as envie de nous faire découvrir ? Aucun album. Ah bon ? De décevoir, aucun album. T'écoutes pas de musique ? J'écoute surtout des mix sur YouTube, en fait. Des artistes indépendants, surtout. Alors, artistes indépendants. Pas forcément de la musique. Tu sais qu'il y a une des stars, hein, pour les artistes indépendants. non, mais ok, d'accord. Voilà. Mais y a aucun artiste qui, justement, t'a fait de l'œil, où tu t'es dit, waouh, cet artiste-là, ouais, j'ai envie d'en savoir un peu. MC Solar, c'est ouais, ça, vraiment. C'est pas justement... très indépendant, mais ouais. Okay. Non, mais comme t'en parlais juste avant, c'est vraiment un artiste que j'ai beaucoup aimé écouter et que j'ai bien aimé réécouter récemment parce qu'il a été invité pas mal sur des plateaux récemment. Il ressort quelque chose. Ouais, il a fait des choses récemment. Ouais. Un album, je sais pas s'il a fait tout un album, il a sorti des titres. Il a sorti des titres là très récemment. Ouais, ouais. Mais alors, c'était combien de temps qu'il était dans le silence? Ah bah il en sort régulièrement. Ouais. Et puis il vient, il ressort et il revient. C'est un mec comme Alain Souchon, comme les... tu sais, ils prennent 10 ans et puis après ils reviennent et puis voilà. Non mais ça va, ils ont de la thune donc ils peuvent se permettre. Triptyque, son dernier album 2024. Un album. D'accord, un album, ok. Ouais. Et là justement, je vois Solar pleure. Oui. Ah, par exemple. 2001, et je crois. Voilà, qu'a 2001 je crois 2001 ou 2002, ouais, c'est ça. Donc on va dire qu'elle a 25 ans et elle parle beaucoup, même dans le monde actuel. Ouais. Celle-là, il y a des morceaux, enfin des morceaux de la chanson que je connaissais par cœur. Alors que pourtant le titre, c'est pas qu'il part dans tous les sens, mais c'est qu'il est très, c'est un monde quoi. Solar pleure. C'est ça qui est génial, c'est dans une seule musique, t'as différents scénarios, ça part dans tous les sens comme tu dis. Et voilà, sinon après moi j'écoute pas mal de chansons vraiment à texte, de rap conscient j'aime bien aussi. Mais voilà, beaucoup d'artistes en fait, connus ou moins surtout, mais qui font des textes qui ont du sens quoi. Ok, ok. Donc, voilà. Et après, l'anglophone, non français quand même. Ouais, d'après le petit tour de table qu'on vient de faire, ouais, il y a beaucoup de français parce que... Après, j'aime bien des artistes aussi anglais, mais là vraiment, j'arrive pas à en trouver un en particulier parce que j'écoute. Ça dépend vraiment de la journée. Là, dans 10 minutes, je vais sûrement retrouver comme ça, mais en fait, j'écoute tellement d'artistes différents que c'est surtout soit la mélodie, soit le texte. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure, moi, c'est par rapport aux journées. Demain, peut-être que écouter un bon blues ou un bon jazz. Ouais. Voilà. Ouais, vraiment. Ça dépend, c'est l'humeur du moment. Moi, m'accroche. Voilà. Je vais dire, oh tiens, je me ferais bien un bon blues. Tiens. Ouais. Je vais m'écouter un bon blues. Moi, mes périodes durent plus longtemps normalement. C'est-à-dire que je peux avoir ma période un artiste pendant 2-3 mois, tu vois. Ah ouais. Ouais, ou un album. Hein. Ah ouais. Et puis après, je vais avoir un autre mood. Et puis il y a effectivement la journée où je me dis, tiens, je me ferais bien telle playlist ou telle autre chose. Hein. Plutôt tel style ou autre. Mais c'est vrai que ouais, je peux rester 2 mois sur un album quoi, l'écouter en boucle jusqu'à temps que je sais pas, mon cerveau il en a marre et vas-y passe à autre chose parce que j'en peux plus hein, j'ai eu une période où alors je vais pas rentrer parce que c'est pas le sujet, mais j'ai eu une période il y a quelques temps, enfin il y a à peu près deux ans et demi quand j'étais un peu malade, enfin j'étais malade, je me mettais beaucoup de musique, ça m'adoucissait, ça me mettait dans ma bulle. Ouais. Bien sûr. Hein. La musique nous met dans une bulle, le casque, le machin, et je rentrais dans un monde. Je me enfermais. Et la musique aussi, elle a pu m'a enfermé aussi à un moment. Ouais. Et il faut faire peut-être que. Et j'ai alors, je pense que vous connaissez plus, mais écouter de la musique avec un casque et où écouter de la musique dans une pièce comme ça, c'est complètement différent. Bien on n'a pas ouais. la même. C'est comme on rigolait un petit peu tout à l'heure, bah on a un peu les générations. Les premiers 45 tours, ils se rendent 3 tours avec notre premier tourne-disque. C'était de la musique, on entendait un peu tous les bruits. Et aujourd'hui, il manque peut-être de ça aussi. Mais ouais, c'est vrai. Moi, je sais que écouter de la musique avec un casque. Et la musique, la même chanson dans une pièce. Ah, on le vit différemment. Je la vois complètement différent. Bien et sûr. C'est pour ça qu'il y a eu à une époque, j'étais vraiment rentré. Et là, j'écoutais beaucoup, beaucoup de musique dans ce monde. Parce qu'il y a déjà une différence au-delà de la manière de enfin, du matériel. Il y a, est-ce que tu entends de la musique ou est-ce que tu l'écoutes? Parce que par exemple, tu vois, t'es en voiture avec des copains, tu mets la radio. Voilà. Tu vas entendre la musique. Ou t'es dans un supermarché, t'es en train de faire tes courses, tu vas entendre de la musique. Ouais. C'est sympa, ça crée une petite ambiance, etc. Ouais, ouais. Ou tu mets ta playlist YouTube avec tes. Voilà. Par contre, si tu mets ton vinyle, par exemple, à la maison, c'est parce que t'as envie d'écouter de la musique. Ouais. Et là, si t'es une bonne chaîne hi-fi ou machin, ou moi, par exemple, sur l'autoradio, j'ai une bonne acoustique aussi et tout ça. Moi, je sais qu'en voiture, je me fais plaisir, tu vois. Je vais monter le son, j'ai une bonne acoustique, je suis dans un moment où effectivement, je suis dans ma bulle. Et là, s'il y a un passager, ça m'emmerde. Ouais, non mais je vais pas mettre la musique pareil. Moi je fais du vélo un peu en forêt, du VTT, et je mets de la musique avec mes écouteurs. Faut pas le faire. Parce que justement mais, t'es dans ton monde, t'es dans ta bulle. Ouais, je suis dans la nature, je suis dans la musique. Ouais. Ça me met. Après si t'es dans la campagne sur ton chemin, ouais, ça va. Ouais. Il faut pas le faire en ville. C'est vrai. Qu'est-ce que tu dis? C'est comment on écoute une musique. Et des fois, on se fait une image aussi sur un chanteur, on l'écoute comme ça, oh putain, c'est nul. Et si on le prend, on le reprend avec un casque, ouais. tout seul, et on écoute plus approfondi, on va sentir autre chose dans cette bien musique. Sûr. Et puis en fait, les harmonies, les choses comme ça, qui en fait sont pas forcément, tu vois, sur un single radio, on va retenir un rythme. De paroles, même si les paroles n'ont pas vraiment de sens, mais que le rythme est accrocheur, etc., on va retenir ce truc-là. Sauf que ce qui va nous faire aimer la chanson ou l'album de manière, sur une période beaucoup plus longue et vraiment accrocher au truc, c'est toutes les subtilités du titre ou pas. Parce que justement, au contraire, là, tu l'as écouté 20 fois, bon, et puis finalement, quand tu l'écoutes au casque, tu dis en fait, il n'y a rien de plus que la première écoute. Et des fois, à l'inverse. Voilà, c'est tout. Il y a même des albums moi que j'écoutais plus jeune et je comprenais pas. Je comprenais sans comprendre. Et avec quand t'écoutais avec un regard d'adulte, je me suis dit bah oh, purée, mais j'avais pas du tout saisi le sens de cette chanson là. Oui. Ouais. Et en fait, t'as l'impression de découvrir deux fois. Oui. La première fois exactement. Quand t'es enfant. Et exactement. Quand tu apprends un peu plus la langue ou quand tu comprends les paroles plus tard, c'est ça. Tu redécouvres la musique et c'est ça. Et ça, tu l'apprends premier degré quand t'as 8 ans, tu vois. Voilà. Et puis tu comprends pas des fois les subtilités. Et tu t'imagines aussi des fois. Ouais, bien sûr. Moi, je déchiffre un peu les mots. Moi, je me rappelle de l'album. Ma mère m'avait offert. J'avais 11 ans, elle m'avait offert l'album de Calogero. Vous savez où il y a le feat avec Passy face à la mer. Face à la mer. Et dans ce truc, je crois qu'il y a une chanson qui s'appelle je me rappelle plus du nom exactement, mais c'est Safe Sex. Ok. Et moi je chantonnais ça et je comprenais pas, et donc du coup je chantonnais voilà, et en la réécoutant il y a 3-4 ans l'album, je fais mais ah ouais, ok, d'accord, mais en fait ça parlait de cul, mais je vraiment il y avait sexe quand même dedans. T'aurais pu t'en douter, hein. ouais. Et c'est vrai que la musique, par rapport aux âges, on l'écoute autrement. Ouais, maintenant, j'écoute du Jean Ferrat. Quand j'avais 15-16 ans, du Jean Ferrat, j'écoutais plus du Truss. Enfin, bon, oui, bien sûr. Hein, oui. Et c'est vrai que des musiques aujourd'hui, comme ça, des vieilles chansons ou des nouvelles, l'âge aussi, comme il dit, on l'aperçoit autrement. Pour moi, il y a deux choses quand tu commences à vieillir. Moi, ce que je remarque avec mon âge, c'est qu'on s'accroche quand même pas mal. Qui t'a passé pour des vieux à ce qu'on a écouté quand on était ado, ouais. Ce qui est quand même une période hyper marquante pour la musique, tu vois, quand t'as écouté beaucoup de musique ado, etc., t'es très très à fond en fait sur tout tout ce qui concerne la vie, hein, mais du coup la musique t'en garde une trace, et c'est pour ça que aujourd'hui je mets toujours dans mon top 5 Avril Lavigne par exemple, parce que c'était mon époque, Offspring, tu vois, voilà, c'était des groupes que j'écoutais à l'époque et qui me font toujours autant kiffer, parce que il y a toujours ce côté un peu nostalgique, quoi, où je me dis ah putain, là j'ai 16 ans, tu vois, et donc du coup je pense qu'il y a ça, et il y a aussi le fait, mais qui est très aussi générationnel, c'est que quand t'as 15 ans, quand t'as 20 ans, tu veux être dans le mode du moment, tu veux faire différemment de tes parents, etc., etc. Après, quand t'as 30, 40, 50 ans, t'as un peu plus de recul sur les choses, et tu te dis, bah en fait, ouais, mon époque, c'était sympa, mais en fait, ce qui s'est fait 20 ans ou 30 ans avant, c'était aussi cool, et il y avait des trucs, voilà, parce que t'es plus dans ce truc-là de dire, faut absolument que je sois dans ma génération. Tu vois, je pense qu'il y a un peu plus de recul sur les choses, quoi. Comme tu dis, en plus, la musique, ça te fait rappeler certains souvenirs, comme ouais. Je dis, bah, moi, Hôtel Californien, oui. C'est là que j'ai eu mon premier baiser avec une fille. Ah bah voilà. Ah, ceci explique cela. Sacré Patrick. Il y a une histoire dans la musique. Il y a toujours une histoire dans notre musique. Ah mais ça, je suis d'accord. Ça, ouais. C'est clair. Et c'est ça qui est magique, ouais. Bonne ou mauvaise d'ailleurs. Bonne ou mauvaise, ouais. Moi, c'est mon premier flirt. Ouais. Mais ça, j'avais 14 ans. C'est un pouvoir que la musique. On faisait des booms dans les caves à Montlouis avec nos mobilettes et tout ça. Et c'est la musique apporte une histoire. Ça c'est un vrai pouvoir que la musique a, au contraire de, tu vois, d'un film, des trucs, parce que en fait la musique, tu malgré, même si tu l'écoutes, tu es en train de faire quelque chose en à ce moment-là, et souvent, tu vois, comme moi je te dis, des fois j'écoute un album en boucle, etc., pendant une période, ouais, forcément ça te marque des moments de ta vie. Alors ça te marque à l'adolescence, mais pas forcément que à l'adolescence. Il y a des moments de ta vie où tu te dis ouais tiens, ça c'est sorti en 2015, parce que en 2015 je faisais ça à ce moment-là, et il y avait ce truc là qui passait en boucle à la radio, et du coup boum, c'est associé à la période, bien sûr, ouais. Voilà. C'est cool ça. C'est ça la musique qui peut avoir aussi, l'album, la musique, qui peut apporter, qui nous apporte des souvenirs ou des bons moments et des mauvais moments aussi, mais des musiques qui a marqué un passage, un album. Bien, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le, je sais pas si vous écoutez beaucoup, mais c'est le piano. Moi j'adore Sofiane Pamar, qui est un pianiste. Je l'ai connu parce qu'il a collaboré avec un rappeur Scylla, dont l'album est incroyable. Ils ont fait un album commun en fait, et donc je l'ai découvert là-dessus. Et du coup j'ai continué à écouter Sofiane Pamar, et il a un album, plusieurs albums qui sont sortis, et je trouve qu'il a un truc que je retrouve pas chez tous les pianistes. J'ai l'impression que à chaque musique au piano qu'il fait, je pourrais quasiment me raconter une histoire. Ouais. Que ça pourrait coller à quelque chose. Et ça te met à chaque fois, l'album que je vous exhorte à écouter, c'est Noche, qui est sorti en 2021. Et il y a une musique Vera qui est incroyable dedans. Entrain et mélancolie, il y a quelque chose comme ça, mais le piano, c'est absolument, absolument incroyable en termes d'émotion créée, et finalement, il n'y a pas de parole, donc finalement, c'est... Tu te concentres en fait sur la mélodie du piano. La mélodie, et c'est, j'ai l'impression que le pianiste te dit, bon bah, faisons ce que tu veux. Ouais, quoi. Bien sûr. Voilà. De toute façon, il y a une très libre interprétation personnelle dans de la musique, c'est-à-dire que tu vois, là, tu me dis, il y a le piano qui t'emporte, parce que c'est d'ailleurs certainement la volonté de l'auteur, mais si ça se trouve, moi je vais écouter, ça va rien me faire. Et oui, vois, c'est toujours une question de sensibilité aussi. Quand même, le piano, parce que moi aussi, ça m'hérisse les poils. Et moi, c'est celui qui me... Je pense qu'il parle à beaucoup de monde. C'est celui qui... Alors, j'ai plus que le triangle. Hein, c'est le piano. Celui qui joue sur Amélie Poulain et qui fait des albums extraordinaires. Oui. Et vraiment, ça t'emporte. Yann, c'est Yann... Ouais, c'est breton. Mais alors, vraiment, c'est exceptionnel. C'est comme aussi, allez, moi, je suis allé écouter Andrieux. Mais dans une cathédrale, écoutez de Yann la musique. Thiersen. Dans une cathédrale, c'est impressionnant le dans le ouais, son, l'acoustique, ouais. L'acoustique comment, par rapport. Et ah bah là, bien ça sûr. Marque aussi. Ouais, bien sûr. Et c'est impressionnant aussi, des albums comme ça qui sont faits dans des certains endroits qui peut aussi ou qui utilisait tout à l'heure Johnny Hallyday, l'Olympia ou des voilà, enfin c'est il y a des contextes aussi, tu as certains artistes, tu dis tu vas tu les écoutes en album, bon voilà pourquoi c'est sympa, mais et tu vas aller voir sur scène et c'est incroyable, c'est magistral, voilà, alors qu'au contraire il peut y avoir l'inverse aussi, tu vois, t'es déçu, tu parlais de Yannick Noah tout à l'heure, Johnny Hallyday au Stade de France, c'est... C'est une vraie rockstar, quoi. C'était une vraie rockstar. Ouais, non, moi, c'était au Parc des Princes. Déjà, il mettait sa santé en danger, hein, parce qu'il allait dans la foule. Ouais. C'est vraiment. Il était, moi, je me rappelle. Après, il n'arrivait plus à marcher. C'est pas étonnant. Une semaine après. C'est ça. Et, quand il a fait les Vieilles Canailles, j'aurais bien voulu aller voir et écouter. Et peut-être que c'était pas le même endroit. C'est vrai, comme tu dis, certaines musiques accroche par rapport aussi à l'endroit où c'est joué, à l'ambiance, plein de choses. Il y a plein de choses qui rentrent. Et comme tu disais, t'as des musiques que tu vas écouter seul dans ta bagnole, qui va être sympa. Et puis il y a certaines musiques que tu vas avoir envie de partager, ou tu vas, tu vas vivre en live, tu vas les écouter autrement. Non mais alors la musique, elle moi je sais que je mets, si je bricole dans mon jardin ou dans mon garage, je fais beaucoup de bricolage, je mets de la musique. Ouais. La radio. Alors, n'importe quoi. Mais là, c'est pour t'accompagner, du coup. Voilà, c'est pour m'accompagner. C'est un accompagnement. Ouais. C'est pas du tout le même. Mais comme tu disais, des fois, on a envie de se mettre une bonne musique. Moi, je sais pas si j'ai un instrument qui me marque particulièrement. Ouais. Effectivement, le piano a cette faculté-là. La guitare aussi. Là, je voulais vous parler de, du nouvel album que j'ai pas écouté encore. Hein. Enfin, j'en ai écouté un ou deux titres. Mais de Nina Attal, qui est une artiste qu'on joue sur Indestar depuis très longtemps. Et qu'on a eu la chance d'interviewer au moins deux, trois fois. Et qui est en plus d'être une très bonne chanteuse, soul, blues. elle est aussi une guitariste d'exception, et c'est vrai que moi la guitare, un solo de guitare, et chose qu'elle met très bien en avant sur ses albums à chaque fois, un solo de guitare, ça peut m'émouvoir de fou, quoi. Du violon aussi, si on prend Lindsey Stirling qu'on passe Lindsey Stirling, elle t'emmène sur du violon, sur de la mélodie du violon, c'est super chouette, quoi. Ça crée vraiment des émotions. Donc je sais pas, ou même l'ensemble, tu vois, si je prends des musiques dont les solos ou les rythmes, si je fais abstraction du chant, hein, mais le chant me marque beaucoup aussi, c'est-à-dire que en fait je suis très chant guitare acoustique, tu vois, ça m'émeut, surtout si c'est surtout les nanas. Non mais c'est vrai, hein. Comme par hasard. Une nana qui a une voix, tu vois, un petit peu soit rauque, soit un truc, où tu vraiment. Est-ce que Zaz ça t'émeut ou pas? Non. Alors attends, je dis pas de mal sur Zaz, parce que la première fois qu'elle est passée, c'est sur Indestar. C'est vrai. C'est sûr de ça. Mais je sais plus. Elle est pas de Tours. Je sais plus. Bon, après, Indestar était à Paris à l'époque, mais en tout cas, bref, c'était SFR Jeune Talent. Elle était sur SFR Jeune Talent à l'époque. Non, pas Zaz du coup. Mais il y a des artistes, où guitare voix, ça m'émeut. Mais un solo, si je prends par exemple Roxette avec Listen to Your Heart. Je sais pas si ça vous parle, ça. Mais pardon, je fais une aparté, mais Zaz est né à Chambrey-les-Tours. Chez nous en plus. On a la même. Bravo. Ok, c'est du coin. Ok. Ouais, je disais Listen to Your Heart de Roxette, où t'as ce truc, à un moment donné, ça vont, et puis ça repart. Pam pam pam, c'est exceptionnel. Ou Metallica avec Nothing Else Matters, pareil. La version qu'a fait Miley Cyrus il y a deux trois ans, je sais pas, elle l'a repris avec Elton John au piano, violoniste, c'est pareil, c'est un violoniste d'exception, le bassiste de Metallica, etc. Elle est sensationnelle, cette musique, tu vois. Il y a des musiques comme ça qui me portent. Mais je me dis, quand t'es artiste, le shot d'adrénaline que tu dois prendre, toi tu dois en être accro quand même. Je veux dire, quand tu pars sur une tournée, quand tu fais des énormes salles, que tout le monde reprend le truc, tu dois être quand même dans un état second, quoi. Oui, je pense. Et je pense même qu'il peut y avoir même un manque après ça. tu vois, il y a une addiction et du coup il y a un manque derrière. Ouais, finalement c'est pas humain non plus quoi, d'avoir autant de gens qui te... Non, non, tu je sais pas, prenons la dernière tournée de Taylor Swift là, qui a fait, qui a pulvérisé, ouais, qui a fait des séismes, je sais pas quoi là. Ouais. Enfin, des trucs. Enfin, cette artiste elle est exceptionnelle déjà de base, mais tu prends une tournée comme ça. Ouais, je sais pas comment tu le vis après, en fait, tu vois, quand tu reviens. Bah, je crois, à la maison, après, elle était pas bien du tout, je crois. Bah, ouais. Non, c'est vrai. Hein. En plus, elle a perdu les élections. Je crois, elle a fait une espèce de. Je sais pas si elle a fait une dépression ou. Enfin, elle avait des gros problèmes de santé après. Mais ça m'étonne pas, elle parce qu'en fait. Elle avait gagné 800 millions de dollars, enfin, un truc de malade. Ah ouais mais... Ah non, oui. Mais c'était monstrueux, elle l'a fait deux fois, le tour d'Europe. Ouais, elle est. Peut-être deux fois la France ou une partie de l'Europe. Elle bref, a fait deux dates en France, ouais. Et elle a fait ouais, une partie du monde entier. Et avec des. À chaque fois, c'était des salles immenses, quoi. Bah, avec... Sûrement après, on aime ou on n'aime pas, mais ça fait un peu comme la Céline Dion. Oui. La Vegas, elle est restée 10 ou 15 ans. Ouais. Soir, mais c'est vrai que tu reviens à la maison après une tournée comme ça. Tu te dis, bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Regardez la télé ? Je me perds des pattes, allez ! Rien que les shoots d'adrénaline, oui, les enfants de l'école. Bah ouais. Ah ouais, ça doit être c'est violent, ouais. Mais ouais, quand il y est, ça doit être aussi magnifique. Hein, mais... Ah bah ouais, c'est incroyable. Mais j'ai un souvenir, deux souvenirs marquants. Mon premier concert, où j'étais voir un rappeur qui s'appelle Kerry James, que j'aime beaucoup, où j'étais mais comme une groupie complètement, mais vraiment j'étais fou quoi. Vraiment, mon premier concert, je connaissais des titres par cœur, je pense que je les connais toujours par cœur. J'ai extinction de voix, je pense, au bout de 20 minutes. Et à la fin du concert, j'ai quand même continué à chanter et tout, je n'arrivais plus à parler à la fin du concert. J'étais avec des potes qui me prenaient comme ça, je sautais tellement que j'avais mal aux jambes et je me traînais. Et enfin bref, incroyable. Et j'avais vu un autre type de concert, Jay-Z et Beyoncé au Stade de France. Uh-huh. Et là, par contre, on est sur un spectacle, on n'est pas sur un concert. Ouais. On est vraiment. T'as des plateformes qui s'élèvent, il voit à 360 degrés. Voilà, il fait un des sons que j'ai écouté au lycée qui s'appelle Nigga in Paris, qui est incroyable parce que je crois qu'il a un record, cette musique. C'est qu'elle a été jouée 17 fois de suite à Bercy, je crois, lors de leur tournée en 2011, un truc comme ça. Il l'a fait. Et là, mais il y a une espèce. En fait, c'était la finale de la France avait gagné à la Coupe du Monde en 2018, et on était au stade. On avait regardé le match au stade, et puis il y avait eu le concert. Ok. Donc déjà, il y avait une espèce de folie comme ça, mais voilà. Et là, en fait, il arrête la musique, il enlève son blazer, et là, on voit qu'il a déjà le maillot de l'équipe de France floqué avec les deux étoiles, marqué Carter derrière. Mais c'était une scène de folie, quoi. Et là, vraiment, le son reprend. Il y a des flammes de partout. Et il y en a un qui saute. Et, j'ai un de mes potes qui saute, qui met un coup de coude dans la tête. Je suis un peu sonné, mais je me relève. Je fais « Oh !» et tout machin. C'est incroyable. Enfin, puis Beyoncé sur scène, quoi, quand même. C'est, Ah, Kundi, c'est quelque chose. Ouais. Moi, je suis plus... Enfin, j'ai plus écouté son mari, dont j'ai oublié le nom. Je suis un ouf, je viens de le dire. Jay-Z voilà. Mais Beyoncé, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Star américaine ou Céline Dion, c'est des choses. Ouais, c'est incroyable. Incroyable quoi. C'est bien, incroyable. On va se parler de nos concerts. Toi, tu te parles le premier. Moi, mon premier concert, c'était Trust à Tours. Ok. Antisocial. C'était ton premier concert, tu vas à Trust quoi. Ok. Hey, quand même, formé quand même. Ouais. Mais c'est mon premier concert. Ok. Okay. Et incroyable. C'est celui qui t'a le plus marqué ou t'en as un autre Non, qui c'est est... Johnny quand même. C'est Johnny, ouais. Au Parc des Princes du coup Stade de Parc des Princes. Ok. Alors, après, c'est. C'est pas que pour la musique aussi, hein, mais c'est un pote qui m'a emmené, il m'a dit oh, je veux. Il me dit si, tu vas voir Patrick. Ah, Et est-ce que vous avez déjà approché un idole, alors que ça soit en musique ou autre hein, d'ailleurs, mais quelqu'un que vous appréciez vraiment dans de l'artistique, hein, que vous aimez et quelle a été votre réaction si c'est le cas Parce que tu vois, moi par exemple, tu parlais de rappeur tout à l'heure, j'ai ma meilleure amie, un jour on était, c'était à Mont, là, dans le festival Terre du Son, voilà, près de Tours, et du coup on était à discuter comme ça, et là il y a Kenny Arcana. donc rappeuse française, hein, et qui fait un petit saut par-dessus la clôture, tu vois, et qui, ah, il y a du monde, machin, et tout ça. Et genre, c'est la meilleure, enfin, l'artiste préférée de ma meilleure amie, quoi. Ouais. Et là, elle était elle a été la voir, tu vois. Mais bah, du coup, elle était forcément. Elle s'y attendait pas du tout. Et elle savait pas trop quoi lui dire parce qu'elle était tétanisée un petit peu. Mais enfin, voilà, elle a kiffé quand même son moment. Hein, mais bon, c'est vrai qu'après, elle s'est dit, oh, putain, j'aurais dû poser ça ou ça comme question et tout ça. Mais bon, voilà, ça s'est fait tellement comme ça que du coup, le moment était vraiment inattendu, quoi. Ouais. Et non, ça vous est jamais. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Arrivé, ouais. Je suis pas fan, moi. Alors, moi, ça m'est arrivé une fois, mais bon, c'est que quand je partais en vacances avec ma soeur était plus grande, je partais en 4 ailes, en 6 volts en plus pour descendre à Canet-Plage. Hein. Tiens, rapproche un petit peu du micro parce que. Ouais, Canet-Plage. Et Carlos, vous voyez, il y avait beaucoup à cette époque-là des radios crochets. Je sais pas si vous avez rappelé un peu les radios crochets sur les vacances, les filles de vacances et tout. Et il y avait Carlos. Et il est venu, j'ai bu un coup avec Carlos, avec ma soeur. Okay. Et puis il bouffait des pâtes. Bon, voilà. Mais tu l'as vu comme un artiste ou c'est quelqu'un? Ouais, comme ça. Voilà. Ouais. Et c'est lui qui est venu. Salut les jeunes. On mettait des chaises pour Radio Crochet pour avoir une entrée pour les parents. Ouais. Vous allez voir Carlos. D'accord. Avec ma soeur. Parce que moi, c'est vrai que tu vois, la notoriété, ça m'est arrivé dans ma vie d'animateur radio, tu vois, d'interviewer des gens célèbres. Enfin, connus, voilà. Mais. En vrai, que ça soit vous ou que ce soit la personne célèbre, en fait, fondamentalement, dans mon intérieur, il s'est rien passé de plus ou de moins, quoi. Tu vois. Mais c'était Avril Lavigne. Ah bah si. Ouais, non, est-ce mais voilà. Que ça aurait été la même chose ou pas? Non, mais bien sûr que non. C'est parce que ça te parle pas. Bien sûr que non, exactement. Ah. C'est sûr, tu vois, parce que par exemple, ça m'est arrivé d'approcher mon artiste préféré, Anna Free. Tout le monde sait. Bon, on va peut-être passer tout à l'heure, d'ailleurs. Qui pour le coup est beaucoup moins connu que toutes ces stars là, tu vois, puisque c'est une petite artiste indépendante qui aujourd'hui même fait plus de musique, etc. Mais ouais, c'est enfin pour moi, c'est on s'est parlé, hein, voilà, mais je me dis putain, c'est Anna Free, quoi, parce qu'en fait je respectais tellement ce qu'elle faisait, ouais. etc. Et pourtant, il y avait quand même cette relation de proximité parce que c'est une artiste YouTube qui partageait un peu de sa vie, etc. Donc tu vois, il y avait des trucs, on s'échangeait des mails et machin, mais malgré tout, tu là en face de toi, tu fais ah ouais, c'est waouh, enfin tu vois, il y a ce côté là alors que à côté, bon, même si c'est tu vois, je prends Céline Dion, si j'ai interviewé Céline Dion, j'aime bien Céline Dion, hein, mais oui, oui. Mais voilà, en fait ça bon, bonjour Céline, quoi, tu vois, ça me ouais. touchera que ce pas dans plus la musique que ça. Ou dans le sport et tout, moi je suis beaucoup dans le sport mécanique et je côtoie pas mal de personnes dans ce milieu un peu fermé, mais dans ce milieu. Mais j'ai eu la chance de manger, je le vois tous les ans, c'est Pescarolo. Ouais. Et Pescarolo, pour moi, c'est... Ouais, parce que toi, pour toi, il signifie beaucoup, ouais. Voilà, c'est un grand monsieur. Ouais. Voilà, tu vois, comme tu dis... Alors, ouais. On n'est pas dans la musique, hein, là. Non, mais bien sûr. Mais non, c'est pour te faire comprendre aussi, voilà, ouais. Comme tu disais, il y a des gens, peut-être, comme ça, qui accrochent que... Oh, je me rappelle la première fois, bah, Patrick, viens, on va manger ensemble. Pescarolo, il a gagné ça, ouais. Petit bout de Patrick. Ouais. C'était un moment magique, comme vous. Ouais. Voilà, simple. J'ai eu ce truc-là, tu vois, quand j'ai commencé à étudier pour faire de la radio. On parlait tout à l'heure d'Ifool, de Max, etc., en début d'émission. Et donc, moi, Max, je l'ai écouté pendant des années en libre antenne et tout. Et j'arrive à l'école de radio et on me dit, alors ton prof, ça va être Max. Alors, dans un sens, j'étais... Waouh, c'est génial. Mais en même temps, je me suis dit, attends, là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais faire une émission, et c'est lui qui va m'écouter. Imagine la panique que j'avais la première fois où j'ai dû prendre le micro et qu'il y avait Max à côté qui était en train d'écouter. Alors évidemment, après tu commences à, enfin, tu t'apprends à le connaître et puis tu t'aperçois que c'est une personne comme une autre, tu vois, et voilà. Mais c'est vrai que la première fois, tu te dis, attends, là il y a un inversement de trucs, ça c'est pas logique là. Ça peut être impressionnant. Comment? Il y a peut-être des artistes, alors j'ai pas eu cette chance, mais il y a peut-être des artistes, des grands artistes qui sont proches du peuple, enfin des gens. Ah oui, non, mais je pense que même ils ne demandent que ça. Des fois, c'est compliqué quand t'es une star mondiale, etc. Mais ils ont tout un protocole, malheureusement. Ouais, ouais. C'est de plus en plus. C'est comme moi, je parle un peu des pilotes. Moi, j'ai eu la chance, je connais beaucoup de pilotes, j'ai eu la chance tous les ans de les voir. aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Allez, tiens, pour les, aujourd'hui, elle est chez Toyota. On rentre plus. Ouais, mais c'est l'écurie en fait qui reste. Et parce c'est que pas le pilote, voilà, pas. Le pilote, il le pilote, plairait de, ouais, de partager. Sûr. Mais il n'a pas le droit. Et ça, je pense que là, les artistes, ou peut-être aujourd'hui, pour recevoir un grand chanteur, un truc comme ça, l'émission, c'est d'être. Ouais, mais par contre, je pense que quand même la dimension internet a fait que ça a apporté potentiellement cette proximité avec les fans. Alors, d'une certaine mesure, hein, parce que tu peux pas rencontrer toutes les personnes, etc. Ouais. Mais tu vois, même, on prend l'exemple de Taylor Swift tout à l'heure, qui est pourtant la The Star mondiale, elle a une relation avec ses fans qui est plus proche. Que l'avait Michael Jackson ou Madonna à l'époque, bah, quoi. Ça fait un peu. Bon, je reviens sur Johnny, mais Johnny était, c'était son public. Hein. Ouais. Oui. Et c'était une globalité. Ouais. C'était moi et le public. Voilà. Ouais. Mais c'est son public. Voilà. Ouais. C'était moi et mon public. Mm-hmm. Ouais. Mais toi, en tant que fan de Johnny Hallyday, par exemple, c'était un peu inaccessible, quoi. Tu te dis pas, tiens, demain. Tu pouvais pas aller manger avec Johnny. Aller dîner avec Johnny, quoi. Non, c'est, ouais, je pense que non. Il y avait une barrière, enfin, ouais. Un sacré repas avec Johnny. Ah. Ça aurait été un sacré repas avec Johnny, je pense. Je pense que tu t'en souviendrais, c'est clair. C'est clair. On fait quoi? On fait un dernier sujet, ça vous dit? Ou on se couche? C'est comme vous voulez. Moi je vais partir. Et ben on va se coucher. Ouais, je crois. Je pense que tout le monde a l'air. Enfin, et puis c'est bien, on a terminé sur un sujet léger, la musique. Ouais, c'est bien parce que 2030 ça plombait tout le monde là. Ah, 2030 c'est terrible, hein, attention. Ouais, si vous avez pas suivi, il va falloir écouter cette émission en podcast. Donc comme on l'a dit, on est un peu fatigué. C'est le cas de Nola aussi qui nous interprète ce titre sur Indestar. Et puis nous on va vous souhaiter une agréable nuit. Et on vous dit à bientôt. On vous fait des gros bisous. Avec un grand plaisir. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci Olivier. Ciao. Merci Lisa. Merci Patrick. Merci. Jean. François. Merci Yann. Merci tout le monde. C'était incroyable. Bonne soirée.